Et il a eu raison de devenir coureur professionnel. Il est devenu pro en 2006, il y a donc 10 ans. Il a fallu du temps pour que Greg Van Avermaet parvienne à maturité. Il est à maturité, Greg Van Avermaet, alors qu'il vient de passer la trentaine. L'an dernier, sur l'étape de Rodez, souvenez-vous, il avait battu Peter Sagan au sprint. Un grand moment pour lui, la plus belle victoire de sa carrière. J'attends avec impatience son interview tout à l'heure pour entendre si cette étape-ci deviendra dans sa tête sa plus belle victoire, la plus belle victoire de sa carrière, car en bout de cette étape il y aura aussi sans doute le maillot jaune. Peter Sagan a craqué, ce n'est pas une surprise, dans le pas de Pérol. On s'attendait peut-être à ce qu'il soit un peu plus combatif, Peter Sagan, mais son ambition est ailleurs, le maillot vert, son cinquième maillot vert consécutif. Et puis il est aussi un équipier d'Alberto Contador, Peter Sagan. Il sait très bien, pertinemment bien, qu'il ne gagnera pas le Tour de France, et il n'a pas trouvé d'intérêt à s'accrocher indéfiniment à ce maillot jaune qu'il aura donc porté pendant 3 jours, Peter Sagan, qui retrouvera demain. Et je me suis tout à l'heure un peu précipité en disant qu'il retrouverait son maillot irisé de champion du monde. Demain, il retrouvera le maillot vert du meilleur sprinter, puisqu'il est aussi en tête de ce classement particulier. Le maillot à poids ne sera plus porté par le Belge Jasper Stuyven, mais il sera encore porté par un Belge, puisque c'est Thomas De Gendt qui enfilera le maillot à poids de meilleur grimpeur tout à l'heure. Thomas De Gendt qui montera deux fois sur le podium, puisqu'il recevra aussi le prix de la combativité. On aura donc du Belge et encore du Belge sur ce podium protocolaire. De Gendt pour la combativité et les poids, et puis Greg Van Avermaet pour l'étape et pour le maillot jaune. On le disait tout à l'heure, ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Y a-t-il des ours dans le Cantal? J'en suis pas convaincu, mais il faut quand même se méfier. Et Greg Van Avermaet, avec l'expérience qu'il a, avec le calme qui lui sait si bien, ne va pas s'emballer sur son vélo. Il garde la bonne cadence, il garde le rythme, il garde une cadence de pédalage idéale sur des pentes qui ne sont pas les plus compliquées de la journée. Le col de Pont de Serre, inédit, mais un col très roulant, de larges routes avec de jolis lacets. Par contre, la descente est beaucoup plus technique, une descente de 2 km assez dangereuse et sans doute exagérée, mais assez difficile à gérer quand on ne la connaît pas. Je ne pense pas que Greg Van Avermaet soit venu repérer cette étape dans les jours précédents le Tour de France. Il avait repéré l'étape de Cherbourg où il s'est planté, mais on ne va pas lui jeter la pierre à Greg Van Avermaet. Ça arrive à tout le monde. Erreur de placement, il n'était pas dans un grand jour. Il a donc perdu cette étape remportée par Peter Sagan. Et voilà, une étape en chasse une autre. Et aujourd'hui, c'est Peter Sagan qui est dans la douleur, et c'est Greg Van Avermaet qui va sans doute s'imposer. 3 km 400 pour le coureur de la BMC, 3e des championnats de Belgique au lac de l'Oder il y a une dizaine de jours. Il avait dû jouer le jeu d'équipe, et il l'avait bien joué, il avait respecté le jeu d'équipe, Greg Van Avermaet, pour bénéficier du titre de champion de Belgique dans son équipe, pour garder le maillot qui tendait les bras à son équipe BMC, en l'occurrence à son équipier Philippe Gilbert, qui n'est certes pas son meilleur ami, mais ce sont deux grands professionnels. Et une fois que Gilbert s'est retrouvé devant, Greg Van Avermaet a contrôlé les différentes attaques des adversaires, mais il n'a pas en tout cas fait de travail inutile pour revenir sur Philippe Gilbert. Il a donc tenu parole à Greg Van Avermaet, bientôt au sommet de ce col du Fond de Serre. Un col, je vous le disais, qui n'est pas très compliqué, que Greg Van Avermaet a abordé quasi à grand plateau de bas en haut. Il faudra juste gérer la descente, une descente que connaît bien Romain Bardet. C'est le régional de l'étape. On pensait voir Romain Bardet à l'attaque aujourd'hui, mais vu le déroulement de cette étape et la présence à l'avant de 9 coureurs, Romain Bardet évidemment est resté bien au chaud, au propre comme au figuré, dans le peloton des favoris, d'autant plus qu'il avait un équipier devant, en l'occurrence Cyril Gauthier. Je rappelle que dans l'échappée matinale de 9 coureurs, on comptait quand même 3 Belges. Hein. C'est le 21 juillet aujourd'hui, Greg Van Avermaet, Serge Pauwels et Thomas De Gendt. Mais Greg Van Avermaet a une ambition aujourd'hui, une envie qui transpire vraiment au travers de son maillot rouge et noir de la BMC. Greg Van Avermaet veut gagner, et on a diffusé tout à l'heure vers 14h30 l'interview de son directeur sportif Yvon Le Danois, qui nous disait justement que Greg Van Avermaet avait coché cette étape. Ça nous a quelque peu surpris. Alors certes, l'an dernier, il a gagné à Rodez à l'issue d'une étape elle aussi compliquée, ardue, vallonnée, mais il y avait lors de cette étape 3 petits cols, un col de 3e catégorie et 2 cols de 4e catégorie. Aujourd'hui, on en est avec un circuit bien plus difficile. Je rappelle qu'il y avait 6 difficultés aujourd'hui, une côte de 4e catégorie, mais aussi trois côtes de troisième catégorie et deux cols de deuxième catégorie, dont le très difficile Pas de Pérol, mais aussi le col du Pertus qui en a fait sauter plusieurs dans le peloton, à commencer parmi les favoris, à commencer par Vincenzo Nibali qui va perdre aujourd'hui 2, 3, peut-être 4 minutes. Vincenzo Nibali, le coureur d'Astana, c'est donc clair maintenant. Fabio Aru est le leader de l'équipe kazakh Astana. Peter Sagan va lui céder une dizaine de minutes sans doute, mais ce n'est pas grave puisque lui, on le répète, ne fait pas partie de la liste des grands favoris de ce Tour de France. Mais on a aussi vu des garçons comme Rui Costa, l'ancien champion du monde, comme le russe Zakarin également, lâcher prise dans le Pas de Pérol ou dans le col du Pertus. Ça, ce sont des surprises. On savait que cette étape ferait des dégâts, on s'en doutait, on a eu l'occasion de repérer, de monter quelques cols, et rapidement on a vu que ces cols aux pentes irrégulières, avec ce goudron typique de la région qui ne rend pas bien, qui vous donne l'impression, quand vous n'êtes pas en forme, d'être collé à la route, on avait vite compris que cette étape ferait des dégâts. Alors du côté des grands favoris, pas de soucis. On se posait des questions concernant Alberto Contador. Alberto Contador est toujours bel et bien dans le peloton, ou du moins ce qu'il en reste, aux côtés de ses grands adversaires Nairo Quintana et Christopher Froome. Pas de soucis donc pour les grands favoris de ce Tour, mais quelques-uns ont lâché prise, je vous l'ai dit, Costa et surtout Vincenzo Nibali. La flamme rouge pour Greg Van Avermaet. Il relance Greg Van Avermaet. Il sait qu'en bas de cette descente, il y a encore un petit kilomètre en faux plat montant. Il ne peut évidemment pas relâcher son effort, Greg Van Avermaet. D'ici quelques instants, il va donc pouvoir lever les bras au ciel. Quelle étape vraiment du Waslandien Greg Van Avermaet. Franchement, celui qui a misé sur lui au départ ce matin a eu le nez fin. Greg Van Avermaet, acclamé ici par les nombreux supporters qui ont rejoint le site d'arrivée du Lioran, au cœur du Cantal, le Lioran où Michel Pollentier s'était imposé en 1975. On arrive ici pour la deuxième fois seulement de l'histoire, et pour la deuxième fois, c'est un Belge qui va s'imposer. Greg Van Avermaet, qui est aussi un puncher, un sprinter, qui relance justement tel un sprinter. Et il a compris maintenant, il a compris, Greg Van Avermaet, qu'il allait s'imposer. 500 mètres de faux plat montant. Il ne peut pas relâcher son effort, mais il ne peut, sauf incident évidemment qu'on ne lui souhaite pas, il ne peut plus rien arriver à Greg Van Avermaet. Les mains aux cocottes, Greg Van Avermaet concentré toujours, parce qu'il sait aussi qu'au bout du compte il y a le maillot jaune, et il se dit que s'il profite un peu trop du moment, il pourrait perdre 5, 6, 10 secondes, et que ces 10 secondes pourraient peut-être lui coûter au bout du compte le maillot jaune. Greg Van Avermaet, mais il a compris évidemment qu'il aura aussi ce maillot jaune, qui se réinstalle sur sa selle. Il gère évidemment ses derniers hectomètres, Greg Van Avermaet. Attention, dans quelques instants il va franchir la ligne après 5h31 de course. Greg Van Avermaet, 1m81, 72 kilos, le coureur de Lokeren, 31 ans, pleine maturité. La plus belle victoire sans doute de sa carrière. On oublie la fracture de la clavicule du Tour des Flandres, on oublie la déception du championnat de Belgique. Il peut lever le poing au ciel, Greg Van Avermaet, le poing gauche puis le poing droit. Le grand sourire de Greg, qui est un timide, qui est un introverti, mais qui là va laisser extérioriser toute sa joie. Greg Van Avermaet, il est en train de vivre un moment exceptionnel. Les doigts qui montrent le sponsor de la BMC, et le cri de rage de Greg Van Avermaet. Il est heureux, il est heureux comme il ne l'a peut-être jamais été sur un vélo. Greg Van Avermaet qui pense sans doute à madame. Madame, c'est Hélène qui est en Belgique. Il pense sans doute aussi à sa petite fille Fleur, qui était née il y a un an sur les routes du Tour de France. Il avait quitté le Tour de France pour aller assister à l'accouchement quelques jours après sa victoire à Rodez. Deuxième victoire d'étape pour Greg Van Avermaet en 2 ans sur le Tour de France. Greg Van Avermaet qui tombe dans les bras de son soigneur, et qui de l'attaché de presse également de son équipe BMC, qui donc montera sur le podium dans quelques minutes pour endosser le maillot jaune, mesdames et messieurs, du Tour de France. Le Tour des Flandres, c'est un lapsus évidemment révélateur, lui qui rêve de remporter, de rendre Van Vlaanderen. Voici Thomas De Gendt qui va franchir la ligne également. Deux Belges aux deux premières places de cette étape de montagne, et l'attaque derrière de Romain Bardet, je vous disais, le régional de l'étape, qui veut aller décrocher une place d'honneur. Victoire incroyable, victoire belge aujourd'hui sur le Tour de France au Lioran dans le Cantal. Victoire et maillot jaune pour Greg Van Avermaet. Merci Samuel Grelois d'à nouveau nous avoir fait vivre cette arrivée du Tour de France. Vous écoutez Vivacité, voici les titres du journal. Vous n'avez pas fait contrôler vos dents l'an passé, le dentiste vous coûtera plus cher. Une mesure appliquée depuis le 1er juillet pour favoriser la prévention. Se faire soigner les dents, ça coûte. De plus en plus de Belges se tournent vers les assurances complémentaires. Charles Michel, menacé par le groupe terroriste État islamique dans une vidéo, « Nous ne nous laisserons pas intimider », a réagi notre Premier ministre. Nous allons continuer avec une grande fermeté à défendre notre sécurité, à défendre nos libertés. Le ministre de l'Intérieur, Yann Yambon, passait lui devant la commission attentat cet après-midi. Il était question des services de secours. La chaîne de commandement pourrait être plus courte, a déclaré Yann Yambon, mais le métro n'aurait pas pu être complètement évacué. En cyclisme, une victoire belge au Tour de France. Vous venez de l'entendre, Greg Van Avermaet a remporté l'étape du jour, une étape de moyenne montagne. Il pourrait endosser le maillot jaune. Nous le verrons avec notre envoyé spécial, Samuel Grulois. Enfin, c'est un peu la nouvelle star pour les musiciens de rue. La STIB organisait aujourd'hui un casting pour pouvoir jouer dans le métro. Le journal vous est présenté par Simon Gérard. Et Simon, on démarre avec une question. Avez-vous été chez le dentiste en 2015? Eh bien, si ce n'est pas le cas, sachez que pour vous, les soins dentaires sont plus chers depuis quelques jours. Et oui, si vous ne contrôlez pas vos dents au moins une fois par an, eh bien, vous payez plus cher. Une mesure pour inciter les Belges à plus de prévention. Reste que pour certains, se soigner devient de plus en plus difficile, Lionel Denebourg. Il y a déjà la fraise qui fait peur, mais la facture finale rebute de plus en plus de patients et oriente les soins. Sébastien Lhomme, dentiste. Quand un patient vient pour une réhabilitation parce qu'il manque des dents, par exemple, il y a toujours des plans de traitement qui sont plus confortables que d'autres. Certains doivent renoncer aux plans de traitement qui seraient les meilleurs pour eux. Les techniques de pointe coûtent cher et l'INAMI ne prend qu'une petite partie à sa charge. Alors de plus en plus de Belges prennent des assurances complémentaires exprès pour les dents. Étienne Laurent, médecin conseil aux mutualités chrétiennes. Nous avons commencé ce produit, je pense, il y a maintenant un an et demi, et nous avons environ 100 000 personnes qui se sont assurées jusqu'ici. Et il y a déjà les assurances supplémentaires, hospitalisation. Pour certains, ça commence à faire beaucoup. S'il faut qu'on rajoute pour les dents et pour ceci et pour cela, on n'en finit plus. Étienne Laurent, des mutualités chrétiennes. C'est vrai qu'une couverture complète de tous les soins dentaires, je pense qu'on est loin d'y arriver et dans les perspectives budgétaires actuelles, on ne voit pas beaucoup d'améliorations à venir dans les années qui viennent. Et les chiffres de toutes les mutualités le prouvent. De plus en plus de patients prennent ces assurances complémentaires. C'était Lionel Denebourg avec Lucie Dendoven et Benjamin Carlier. Des images violentes, un vocabulaire guerrier en rime, un petit peu comme dans du rap, et puis Charles Michel. Le groupe terroriste État islamique publie une nouvelle vidéo de propagande avec des images du Premier ministre belge. Et Charles Michel y est présenté comme le responsable des attentats de Bruxelles. Le groupe terroriste État islamique prévient aussi, ce n'est pas terminé, mais le Premier ministre belge a réagi, nous ne nous laisserons pas intimider. Ce n'est pas la première vidéo dans le cadre de laquelle l'État islamique s'en prend à des pays européens, à la Belgique et aussi à des responsables gouvernementaux. Mais je le répète, le message est clair, nous n'allons pas nous laisser intimider, nous allons continuer avec une grande fermeté à défendre notre sécurité, à défendre nos libertés. Et chacun le comprend que pour défendre notre sécurité et notre liberté, il faut combattre les criminels, il faut combattre les terroristes. Charles Michel, le Premier ministre belge, qui fait l'objet d'une protection particulière. La commission d'enquête parlementaire sur les attentats de Bruxelles se penchait aujourd'hui sur les services de secours, la rapidité et les cafouillages de communication. Le ministre de l'Intérieur, Yann Yambon, passait son examen oral cet après-midi. Pas de grandes révélations, juste le rappel du rôle des uns et des autres et la confirmation que chacun avait fait le maximum. Compte rendu, Fabien Van Eekhout. Pas de grande nouveauté en effet dans cette audition limitée au seul volet secours. Pour les couacs éventuels dans les enquêtes, le ministre Yambon reviendra plus tard. Aujourd'hui, on aura juste eu droit à un nouvel hommage aux services de secours et aux forces de l'ordre engagées sur le terrain le 22 mars et un credo. Nous devons tous ensemble veiller à garantir au maximum la sécurité de nos citoyens. Je m'y engage jour après jour. Pour le reste, le ministre a partagé son vécu du 22 mars en revenant une fois de plus sur sa décision de fermer le métro après l'explosion de Zaventem et avant celle de Malbec. Pour Yann Yambon, c'était à la police fédérale de transmettre ensuite l'information à la STIB. Mais par contre, il insiste, la région bruxelloise, avec tutelle sur la STIB, savait. À 8h56, mon chef de cabinet a pris contact avec le collaborateur au centre de crise du ministre-président de la région bruxelloise pour communiquer la décision de fermer le métro. À 8h59, j'ai moi-même appelé le ministre-président Rudi Vervoort pour lui faire part de la décision. Mais c'est tout, Yann Yanbon ne relance pas la polémique et de conclure que l'on peut toujours simplifier les procédures, mais même si les chaînes d'information sont plus courtes, dans les faits, il reste impossible d'évacuer en moins de 19 minutes la totalité du métro et de fermer le réseau. Ou alors, c'est comme à Londres, avec pour conséquence d'évacuer aussi les terroristes qui se font exploser pendant l'évacuation. En bref, la Turquie a été touchée par plusieurs attentats ces derniers mois et cela a des conséquences en Belgique. L'université de Gand interdit les Erasmus en Turquie. Le personnel de l'université ne veut plus que son personnel se rende dans ce pays également. Côté francophone, pas de mot d'ordre de ce genre. On juge même excessive la décision de l'université de Gand. Nous le verrons dans le journal de 18h. Vous écoutez Vivacité. Il est 17h15 et donc le commerce en ligne se porte de mieux en mieux. Et oui, un achat sur 6 y est désormais réalisé, mais en Belgique, la logistique ne suit pas toujours. Ouais, les commandes passées le soir ne sont livrées que le surlendemain, sauf si les colis partent des Pays-Bas. La législation sur le travail de nuit y est plus souple. C'est ce qui a contraint le patron d'une chaîne de vêtements à sous-traiter son département e-commerce. Ce patron, c'est Luc Van Mol. Le hangar de stockage est situé à Merchtem, dans le Brabant flamand. La plupart des commandes se font après 20 heures. Les étudiants ne peuvent plus le mettre au travail après 8 heures. Mais aussi le personnel normal, full-time. On commence avec les heures supplémentaires à partir de 20 heures. Qu'avez-vous fait alors ? Alors, on a sous-traité. On a sous-traité notre e-commerce. On avait une quinzaine de personnes ici dans notre entrepôt. Sous-traité où ça ? Une partie en Belgique et une partie en Hollande. En Hollande pour tout ce qui est urgent, pour tout ce qui doit être livré dans les 24 heures. Parce qu'en Hollande, simplement, les étudiants peuvent travailler jusqu'à 24 heures, mais c'est le soir qu'ils ont le temps de travailler. Donc voilà, ça aussi, on trouve que c'est vraiment dommage pour les étudiants belges qu'ils ne savent pas gagner de l'argent après 20 heures. Une interview réalisée par Dominique Delal. Notez que le gouvernement fédéral songe à légiférer à son tour, faute d'une convention collective dans les entreprises. La case prison pour Oscar Pistorius, l'athlète paralympique, qui restera au moins 3 ans avant de demander une libération conditionnelle. Il a été condamné à 6 ans de prison pour le meurtre de sa compagne Reva Steenkamp. C'est beaucoup moins que la peine planchée de 15 ans. La juge a estimé aujourd'hui qu'il y a des circonstances atténuantes. Et sur Vivacité, nous passons au sport, à l'Euro d'athlétisme. C'est la déception pour le clan Borlée. Et oui, Jonathan n'a pas passé le cap des séries du 400 mètres. Olivia a été également éliminée en série du 200. Jonathan Borlée, lui, devrait participer aux demi-finales du 400 mètres. Il a été exempté de premier tour, mais il doit encore confirmer sa présence. Il souffre du pied. Il participera aux demi avec Julien Watrin, qui a terminé deuxième de sa série. En cyclisme, c'était la première étape de montagne aujourd'hui. 216 km avec plusieurs cols de 3e et 2e catégorie. Après un peu moins d'une heure de course, une échappée, 9 coureurs et un Belge, Greg Van Avermaet. Et Cocorico, il a remporté l'étape il y a quelques minutes. Vous l'avez entendu sur notre antenne. Alors Samuel Grulois, vous êtes notre envoyé spécial. Vous êtes en direct du Tour. Bonjour. Oui, bonjour Simon. Alors Greg Van Avermaet, on l'a dit en début de journal dans les titres, pourrait remporter le maillot jaune. Est-ce que c'est fait ? Oui, c'est fait, je peux vous l'officialiser. C'était déjà le cas au moment où il a franchi la ligne parce que tout simplement, l'actuel maillot jaune Peter Sagan n'a pas encore franchi la ligne. Il est loin derrière Peter Sagan aujourd'hui. Et on savait, même s'il ne faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, on savait que les autres prétendants au maillot jaune se trouvaient 4 à 5 minutes derrière Van Avermaet. Donc maintenant, c'est fait, c'est officiel puisque ses principaux favoris dont je vous parlais ont franchi la ligne 5 minutes 04 exactement derrière Greg Van Avermaet. Et donc, le coureur belge de la BMC réalise un incroyable coup double sur les routes du Tour de France. En nous réveillant ce matin, je peux vous assurer qu'on n'avait pas imaginé ce scénario. Greg Van Avermaet remporte l'étape devant un deuxième Belge, Thomas de Gendt, et il endosse donc le maillot jaune avec 5 minutes 11 d'avance au classement général sur le deuxième, Julian Alaphilippe. Imaginez, il a 5 minutes 11 d'avance au classement général sur le deuxième. C'est quand même assez incroyable. Un scénario de folie pour Greg Van Avermaet qui a lui-même eu du mal à y croire en France. Franchi franchissant la ligne, le poing serré. Il a vraiment exprimé toute sa rage de vaincre. Le coureur belge qui s'impose ici 41 ans après un autre belge, Michel Pollentier. La station du Lioran fonctionne donc et adore donc les coureurs cyclistes belges. Ou alors c'est l'inverse, les coureurs cyclistes belges adorent la station du Lioran. Victoire d'étape, maillot jaune pour Greg Van Avermaet. Le maillot à poids aussi sera belge puisque c'est Thomas De Gendt qui le portera. Eh bien, décidément, c'était une journée de rêve au Tour de France pour les Belges. Merci Samuel Grulois, vous êtes notre envoyé spécial au Tour de France. En tennis, le premier demi-finaliste de Wimbledon est connu. Il s'agit de Raonic qui a écarté Sam Querrey en quart de finale. Puis malmené dans sa demi-finale, Federer a égalisé 2-7 partout. On en est donc au 5e set actuellement. Et c'est 4-3 pour Federer et c'est service Cilic pour le moment. Il est temps de passer au football et les stars du foot sont de retour. Ce soir, c'est la première demi-finale de l'Euro. Le Portugal affronte le Pays de Galles ce soir à Lyon. Ronaldo contre Gareth Bale. Donc, même s'il y a eu un froid au début, les deux attaquants du Real de Madrid s'entendent bien aujourd'hui. Pour Thibaut Leplat, spécialiste du Real au journal SoFoot, cette entente s'explique par le fait que Bale accepte la supériorité de Ronaldo. Bale joue le rôle de l'infériorité, mais parce que je pense que Bale est un footballeur inférieur à Cristiano. Il faut quand même dire que techniquement, Bale est un athlète, peut-être tout autant que Cristiano Ronaldo, mais Cristiano Ronaldo est quand même techniquement un joueur exceptionnel et extrêmement complet, beaucoup plus que les Bale. Il est un peu plus âgé, mais il reste un modèle. Cristiano Ronaldo dans un vestiaire, c'est un modèle pour tous les autres, parce que c'est quelqu'un qui fait plusieurs séances de préparation physique par jour, qui se réveille très tôt, qui mange très bien, comme ça depuis plus de 15 ans, qui fait de la cryothérapie après les matchs. C'est quelqu'un qui s'entretient très bien et qui est vraiment un modèle de professionnalisme. Tous les joueurs qui l'ont côtoyé au Real me disent tous que non seulement Cristiano est un modèle, mais il est un modèle au sens propre, c'est-à-dire que les autres eux-mêmes l'imitent. C'était Thibaut Leplat contacté par Ebi Brozaki. C'est la demi-finale Portugal-Pays de Galles. Commencera à 21h ce soir. Enfin, si vous prenez le tram ou le métro, vous les croisez tous les jours. Les musiciens du métro qui passaient leur audition aujourd'hui. Oui, il faut passer un casting pour pouvoir jouer dans les stations bruxelloises. Depuis 2007, la STIB organise régulièrement afin de contrôler la qualité de la musique proposée aux voyageurs. Geoffroy Fabré a assisté à ce casting. C'est votre première audition ? Oui, monsieur. Vous jouez quoi ? La guitare, le chant et l'harmonica. Vous êtes un peu stressé ? Non, ça va encore, c'est tolérable. Chaque candidat doit interpréter deux morceaux devant un jury composé de trois membres de la STIB. Jean-Louis Van de Winkel est le président de ce jury. Ce qu'on veut surtout, c'est que le musicien ait une certaine convivialité dans la station de métro. En général, les musiciens qui jouent dans la station ont un rapport avec les clients fidèles qui passent tous les jours et ça donne une certaine convivialité. C'est surtout ça qu'on recherche. De la convivialité et malgré tout une certaine qualité pour ce musicien venu passer l'audition. Cette qualité est très importante. Beaucoup de musiciens qui passent par les trams qui ne sont pas des vrais musiciens, qui font moitié des morceaux. Et il fait la marche, ça va pas comme ça. Sur les quatre musiciens venus passer l'audition, trois ont été sélectionnés. Ils pourront désormais jouer à l'un des 111 emplacements dans les stations, mais jamais dans les véhicules, car c'est strictement interdit. Voilà, c'était le reportage à Bruxelles de Geoffroy Fabry. Merci Simon Gérard, restez avec nous parce que dans très peu de temps, on se retrouve pour un nouveau point sur l'actualité. Du coup, le 5 à 7 voilà, 17h30. Va commencer d'ici quelques instants avec plein de choses. En juillet chez Ego, profitez de 25% de remise sur votre nouveau placard ou dressing sur mesure. Ego, la cuisine de ma vie. Il est temps de faire un point sur vos conditions de circulation aux côtés de Pierre Collard-Bovie. Bonjour. Oui, bonjour. Avec la plupart des tunnels de Bruxelles encombrés un peu comme d'habitude à cette heure-ci, bien évident. Un accident signalé sur le ring de Bruxelles en intérieur à hauteur de Grand Bigard. Deux bandes de circulation sont neutralisées et la circulation est ralentie en direction de Zaventem. Le point sur le ring, avec un encombrement tout à fait banal, presque aujourd'hui, ça ralentit, mais quand même pas trop. 15 minutes supplémentaires pour l'extérieur Grand Bigard au titre, plus 11 minutes pour l'extérieur Zaventem Grand Bigard. Plus 10 minutes pour l'intérieur Zaventem Carrefour Léonard et plus 8 minutes pour l'intérieur au titre Grand Bigard. Un camion est en panne sur la N937 Ivoire-Siné à hauteur de Spontin. Le passage est difficile dans les deux directions. Voiture sur le toit sur la N89 Saint-Hubert-Libramont à hauteur de Bras. La bande de droite est neutralisée en direction de Libramont. Quelques ralentissements sur le 19 Bruxelles-Mons dans le chantier entre Arken et Feluy. Vous ralentissez vers Mons entre Arken et Feluy précisément. Et puis des ralentissements sur le 17 Courtrai-Lille à hauteur de Requiem. Vous perdez un petit quart d'heure toujours en direction de la France. Etias est le meilleur assurance RC auto par Decavi. Rendez-vous sur etias.be. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Point Carré, les soldes, j'adore. 30 et 50% sur toute la collection de la saison, hors exception. Non mais vous imaginez, 30 et 50% chez Point Carré. Oh, j'adore. Plus d'infos sur pointcarré.eu. Et vous, vous êtes déjà passé chez Casa? Tous les articles soldés, jusqu'à moins 70%. Premier arrivé, premier servi. Casa, maison joyeuse, maison heureuse. Ce week-end, vous allez à un spectacle comique? Ou bien à la mer. Avec le billet week-end de la SNCB, vous voyagez aller-retour à moins 50%. Et jusque fin août, votre billet week-end est valable encore plus longtemps, du vendredi matin au lundi soir. Infos et conditions sur letrain.be. Le train. Une cuisine équipée pour moins de 2000 euros? Un micro-ondes, un aspirateur ou une centrale vapeur pour moins de 100 euros? Une plancha, un presse-agrumes ou un croque-monsieur pour moins de 40 euros? C'est vraiment le moment de profiter des soldes chez Kitchen Market. Kitchen Market. Des idées plein la cuisine. Faites la fête avec nous. Vivacité présente, le Solidaris Day, c'est dimanche 21 août à Flémal. Et en plus, tout est gratuit. Solidaris, c'est votre bonheur qui va être content. Solidarisday.be. L'été, le soleil, la terrasse, ça donne envie d'un petit plaisir nature. Oh oui, tout de suite. Un plaisir nature chez O'Green, c'est les soldes. Des occasions en mobilier de jardin et sur plein d'autres articles. Mais après? D'abord les soldes. Jardinerie O'Green à Saint-Georges, autoroute 42, sortie 5. O-Green.eu. Approchez au plus près les animaux les plus spectaculaires. Le Monde Sauvage d'Ewaï, Safari Park unique en Belgique, E25, sortie 46. Mondesauvage.be. Vivacité et la Une présente du 10 juin au 10 juillet. Toutes les rencontres des Diables Rouges. Sur écran géant au Standard de Liège à Sclessin. Un stade mythique. 10 000 places debout. En plein air. Animation DJ. Écran géant de 40 mètres carrés. Grand parking et animations diverses. Plus d'infos sur la page Facebook Eurocafé 2016. Avec Circus, Ergo et la Meuse. Ceratec. Les carrelages Ceratec AWARM soldent. C'est le moment de profiter de carrelages de qualité. Mais à prix soldé et durant tout le mois. Sympa, non? Ceratec. Encore plus intéressant que d'habitude et avec toujours l'atelier de découpe de plainte. Ceratec, une nouvelle façon de voir le carrelage. Ceratec. Chaussée romaine à AWARM. Ah, l'été, le soleil, la terrasse, ça donne envie d'un petit plaisir. Un plaisir nature? On va chez O'Green, c'est les soldes. O'Green. Le 5 à 7 de Vivacité avec Lucas Correa. Merci d'être avec nous sur Vivacité, de terminer votre après-midi, d'entamer votre soirée avec tout ce qui s'est passé un petit peu partout aujourd'hui. Il y a des choses insolites et des choses qui risquent aussi de vous étonner, surtout si vous êtes une fille et que vous avez l'habitude de vous faire belle pour aller à la plage, et ce dans tous les sens du terme. Peut-être pour être très jolie en maillot, vous faites une épilation totale du maillot. Eh bien, figurez-vous que c'est remis en question. C'est peut-être pas très bon pour votre santé, pour votre peau. On en reparlera dans quelques instants. Et puis, on abordera aussi une étude étonnante qui sort aujourd'hui. Plus de la moitié des travailleurs belges souhaitent des vacances scolaires plus courtes. 9 semaines, c'est trop. On saura pourquoi dans la suite du 5 à 7. Voilà,

Alors Pierre Collard-Beauvier, est-ce qu'on sourit également sur la route hein? Bah écoutez, on sourit pas. Oui, un petit peu quand même, parce que c'est quand même assez modéré comme ralentissement. Dans les tunnels de la capitale, bon, c'est comme d'habitude, bien évidemment. Un accident, on le rappelle, sur le ring de Bruxelles autour de Grand Bigard. Les voies de gauche centrales sont neutralisées, la circulation est ralentie, mais pas tant que ça en direction de Zaventem. Alors le point, 23 minutes supplémentaires quand même pour l'extérieur Grand Bigard au titre, plus 10 minutes pour l'extérieur Zaventem Grand Bigard et plus 10 minutes pour l'intérieur Zaventem Carrefour Léonard. On rappelle ce camion en panne, ça ne pose pas trop de problèmes, même si le passage est difficile, mais il n'y a pas trop de ralentissement sur la N937 Ivoire-Ciné à hauteur de Spontin. Une voiture sur le toit sur la N89 Saint-Hubert-Libramont à hauteur de Bras. Là, c'est la bande droite qui est neutralisée en direction de Libramont. Et puis toujours ces minutes perdues, ces 15 minutes, enfin, ça fluctue de 13 à 17 minutes sur le 17 Courtrai-Lille à hauteur de Réquem et ce, en direction de la France. Etias est le meilleur assurance RC Auto par Decavi. Rendez-vous sur etias.be. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. 17h, 19h, 5 à 7 sur Vivacité. Et il est temps de retrouver la petite gazette de l'Euro avec François Zaleski, ou bien ce sera dans quelques instants. Je sais pas, avec ce Tour de France, on a un petit peu perturbé, ce sera dans quelques instants. D'abord, je vous annonce la suite du 5 à 7 avec eh bien, cette sale histoire, mesdames. Vous êtes peut-être déjà en train de vous préparer pour être belle sur la plage en maillot de bain. Attention, n'en faites pas trop, parce que si vous retirez tout au niveau du maillot, je parle d'épilation, eh bien ça peut ne pas être bon pour votre santé. On va en parler avec une dermatologue dans la suite de cette émission. Et puis aussi, ces chiffres assez étonnant, une étude est sortie aujourd'hui. Plus de la moitié des travailleurs belges souhaitent des vacances scolaires plus courtes. 9 semaines, c'est trop, ça va pas ravir les étudiants tout ça. On saura pourquoi aussi dans la suite de cette émission. Quoi d'autre? Des cadeaux à gagner, c'est le beau d'estival. On aura des entrées à vous offrir, restez avec nous. En juillet chez Ego, profitez de soldes jusqu'à moins 60% sur nos cuisines d'exposition. Ego, la cuisine de ma vie. Vivacité présente les Showcase Joker Plus du Beau Vélo de Ravel. Hello, c'est Delta, retrouvez-nous sur la scène du Beau Vélo de Ravel du Pace ce samedi 9 juillet. Bastien Baker et la bande à Lolo seront à nos côtés et on vous promet un beau moment de musique, on vous attend en pleine forme à samedi les amis. Le Showcase du Beau Vélo de Ravel ce samedi 9 juillet à Oupay, un événement gratuit et accessible à tous. Joker Plus, chaque jour est un jour de chance. Moi en été, j'aime les salades, c'est frais et c'est bon. Ah oui, une bonne salade quand il fait chaud, c'est bien frais, un petit. Oh oui, monsieur Marc, surtout quand elles sont aussi fraîches que nos bonnes salades paumées, ou feuilles de chêne, ou iceberg. Et en ce moment, on vous offre la seconde salade à moitié prix. Jusqu'à mardi, chez Carrefour Market, sur toutes nos salades au choix, la seconde est à 50%. Carrefour Market, la fraîcheur comme vous l'aimez. Dis, je viens de renouveler mon abonnement tech. Moi j'ai trouvé la solution, je le fais via l'e-shop de chez moi. Trop pratique. Et moi d'un self. Regarde, il y en a à côté de l'arrêt de bus, c'est super facile. Toi, tu veux toujours avoir le dernier mot. Hein. Avec un self ou l'e-shop, c'est facile de renouveler son abonnement. Si vous avez 65 ans ou plus, c'est seulement 36€ par an. Easy. Simplicité sur toute la ligne. L'été, le soleil, la terrasse, ça donne envie d'un petit plaisir nature. Oh oui, tout de suite. Un plaisir nature chez O'Green, c'est les soldes. Des occasions en mobilier de jardin et sur plein d'autres articles. Mais après? D'abord les soldes. Jardinerie O'Green à Saint-Georges, autoroute 42, sortie 5. O-Green.eu. Méga solde chez Plumard. Plumard. Jusqu'à moins 65% sur des centaines de matelas, sommiers, lits, box springs, linge de lit. Plumard, bien dans. Il y a toujours un Plumard près de chez vous, à Raucourt, Teux et Verviers, ou sur plume-art.be. Plumard. Ah, l'été, le soleil, la terrasse, ça donne envie d'un petit plaisir. Un plaisir nature? On va chez O'Green, c'est les soldes. O'Green, mon plaisir nature. Merci d'être avec nous. Dans le 5 à 7 sans vivacité, on parle pas mal de sport aujourd'hui. Hein. C'est normal, il y a plein d'événements et notamment aussi le beau vélo de Ravel. Bon, là c'est sport et aussi rendez-vous familial. Hein. Il y a plein d'activités à faire. On vous propose un petit peu de lecture, à savoir le livre du beau vélo de Ravel. Vous allez pouvoir retrouver les 13 itinéraires inédits qui ont été préparés pour cet été. Il faut vous procurer ce livre si vous voulez participer. Il y a tout. Il y a les cartes, il y a les topos détaillés, les anecdotes, les adresses sympas où vous pouvez pique-niquer ou bien réparer votre vélo. Donc allez-y, il faut vous le procurer, vous avez les infos sur vivacité.be. 17h, 19h, 5 à 7. Vivacité. Et cette fois-ci, la voici, la petite Gazette de l'Euro, aux côtés de Françoise Aleski. Bonsoir. Bonsoir Lucas. Alors aujourd'hui, c'est le jour du match Portugal-Pays de Galles en demi-finale. On attend Gareth Bale et Cristiano Ronaldo au rendez-vous. Hein, mais c'est donc un autre dont on va parler aujourd'hui, c'est le Portugais Renato Sanchez. Ouais, petite question d'abord, Lucas. Vous avez quel âge, vous, en fait ? J'ai 30 ans, tout pile. Est-ce que vous en êtes sûr ? Mais oui. Bon, ben, si je vous pose la question, c'est justement parce qu'on s'interroge de plus en plus sur l'âge réel de Renato Sanchez. Le garçon, il prétend qu'il a 18 ans, mais personne au Portugal n'y croit, sauf ses parents sans doute. Ce joueur, c'est en fait la nouvelle pépite du foot portugais, donc tout le monde s'y intéresse. Giroud, l'ancien coach légendaire et charismatique de la JOCR, il affirme lui que Sanchez a 23 ou 24 ans, ça fait nettement plus. En théorie, il est né en 97, mais bon, Giroud, lui, il n'y croit pas. Il se base sur le fait que le papa de Renato Sanchez est arrivé en France en 97, mais qu'il n'a déclaré son fils que 5 ans plus tard, 5 ans qu'il faudrait donc ajouter à l'âge de Renato. Vous vous en doutez, le joueur, lui, ne rentre pas dans la polémique, pourtant, il botte en touche. Mais maintenant que vous le dites, c'est pas la première fois qu'on se pose des questions sur l'âge de certains joueurs dans le milieu du foot. Non, c'est vrai que chez nous, on se souvient de Neil Lamptey, qui était arrivé du Ghana à Anderlecht en 1990, ça commence à remonter. On avait dû faire à l'époque des examens de ses os pour vérifier qu'il avait bien 16 ans. Sinon, il y a encore le cas posé par Joseph Marie Minala de la Lazio, 17 ans en principe, hein, mais tout ridé, il ressemble plus à un grand-père qu'autre chose. Mais vous l'avez compris, physiquement, il fait 10 ans de plus. Il avait d'ailleurs été recalé par le club de l'Udinese, qui doutait de son âge. Leur record du monde, on l'attribue à Taribo West, le gars qui a joué à Auxerre et aux deux clubs de Milan. Selon le président du Partizan Belgrade où il a joué, il aurait triché, lui, de 14 ans. C'est énorme, vous vous rendez compte. Sa carrière se serait donc arrêtée à 48 ans. Chapeau bas pour lui. Et puis on l'a appris hier aussi dans cette actu où on parle de l'âge des joueurs. 14 footballeurs camerounais ont été suspendus par leur fédération, qui les soupçonne d'avoir révisé leur âge à la baisse pour tenter de participer en fait à la Coupe d'Afrique des Nations à des moins de 17 ans. Cela dit, on va quand même couper court aux rumeurs et aux clichés. Ce genre de phénomène ne touche pas que les joueurs africains. La star colombienne, par exemple, Falcao, aurait aussi, selon certaines rumeurs, triché de 2 ans. On va faire un petit retour à l'Euro, hein, mon cher François. Ouais. Avec la danse qui continue de faire le buzz, il s'agit de la danse de l'Italien Zaza. Oui, pour ceux qui seraient passés à côté, Zaza avait couru sur place là, pendant une bonne dizaine de secondes avant d'allumer sa frappe très loin au-dessus du but allemand lors de la séance de tir au but. Il était monté au jeu juste avant, donc uniquement pour tirer ce pénalty. Du coup, ce genre de geste, ça fait le bonheur de qui ? Des internautes, comme d'habitude. On a vu pas mal de parodies fleurir sur la toile. Il est comparé à un cheval en plein concours de dressage, à un canard qui fait du sur place, ou encore à l'héroïne de Fame. Je sais pas si vous vous souvenez de cette bande d'annonce où on la voit mettre du tape sur ses pieds. Elle est en train de tapoter comme ça avec ses pieds. Ben voilà, il est donc parodié en héroïne de Fame. Ben aujourd'hui, Zaza, il s'est excusé. Contrairement à son coéquipier Pelé, qui après avoir mimé lui un tir au milieu, il avait dit attention, je vais faire une petite panenka neuer. Résultat, ben, il a lui aussi loupé son tir au but. Image cocasse ensuite, parce qu'on a vu les chroniqueurs italiens réagir suite à ce pénalty raté. Ils avaient en fait une caméra sur la petite amie de Pelé dans les gradins et ils ont lu sur les lèvres de cette jeune femme. Ils font ça très souvent, les Italiens, vous savez bien, ils sont avides de petits comment on dit, de paparazzi, ce petit genre de choses qu'on ne voit pas. Très people, c'est ça que je cherchais, merci. Qu'est-ce qu'elle a dit, la femme de Pelé ? Elle n'a pas dit zut, elle n'a pas dit oh mon pauvre petit chéri. Lutte alors. Non, elle a dit je le savais, quel C-O-N. Moi je dis que ces deux-là auront un œuf à peler en rentrant à la maison. Et enfin, on le disait, le Pays de Galles joue ce soir en demi-finale. Les Gallois qui redoutent que l'Angleterre vienne maintenant lui piquer ses jeunes talents. Hein. Oui, parce qu'il y a une petite particularité là-bas, c'est que l'équipe des moins de 17 ans gallois, elle est très forte et tant qu'ils n'ont pas joué en équipe première, ben, ils peuvent encore décider de changer de maillot. Cela dit, aujourd'hui, le maillot qu'il fallait porter au Pays de Galles, c'est bien sûr le maillot rouge de cette équipe, puisque la compagnie de transport New Adventure avait promis à ses usagers que tous les supporters qui portaient le maillot gallois pourraient voyager gratuitement aujourd'hui. Merci beaucoup, Françoise Aleski. Merci d'être avec nous, le 5 à 7 se poursuit avec cette question et surtout ces chiffres plutôt interloquants. La moitié des travailleurs belges souhaitent des vacances scolaires plus courtes durant l'été. Alors là, il y a les oreilles des étudiants et des jeunes qui doivent commencer à frémir. En tout cas, si vous êtes dans la voiture avec eux, ne vous retournez pas, mais ils doivent faire une drôle de tête à mon avis. On a Marc Nems qui est avec nous pour en parler. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes Operation Director chez Partena Professionnel. Je le fais bien avec tout l'accent hein, et tout, hein, à la classe hein, quand même. Bon, c'est étonnant hein, quand même. Alors, visiblement, 9 semaines, ce serait trop long pour une majorité de ces travailleurs. Comment on peut interpréter ces chiffres? Oui, ben, les 9 semaines de vacances d'été, c'est vrai que ça paraît long pour les travailleurs. Il y a près d'un travailleur belge sur deux, donc 45% exactement, qui en fait préférait un meilleur étalement des vacances, donc des vacances d'été plus courtes, donc raccourcir les 9 semaines, et profiter du gain de ces semaines pour aller les répartir durant l'année scolaire. Il y a tout un débat, on sait, au niveau de l'enseignement, pour par exemple avoir deux semaines de vacances au printemps pour les vacances de Pâques, 2 semaines à la Toussaint. Donc voilà, c'est pour avoir essentiellement un meilleur étalement des vacances. Oui. Alors pourquoi ? Eh bien, on constate que les Belges, comment vais-je dire, ont aussi du mal à trouver une occupation pour leurs enfants durant leurs vacances, et que également une majorité souhaiterait prendre des vacances aussi en dehors de la période estivale et de la période de rush. Oui, parce que ça les arrangerait au niveau des prix notamment, c'est plus intéressant. Au niveau des prix, oui, tout à fait, au niveau des prix, aussi au niveau de l'encombrement, on peut penser à les aéroports qui sont encombrés en période de vacances, mais également les autoroutes qui sont très encombrées puisque tout le monde part plus ou moins en même temps. Alors, on dit toujours que la période d'été dans les bureaux et tout ça, c'est beaucoup plus calme et donc plus apte au travail. Ce serait oui. aussi une des raisons pour lesquelles il voudrait ce genre d'étalement ? Mais oui, ce qui ressort de l'enquête, vous venez de le dire, donc c'est beaucoup plus calme durant la période des vacances. Mais néanmoins, on constate que... Oui. Oui, excusez-moi. Non. Donc c'est plus calme durant la période de vacances, mais... C'est pas la raison pour laquelle les gens souhaitent rester au bureau. Ils souhaitent prendre leurs vacances durant les vacances d'été pour être essentiellement avec leurs enfants. Donc ça c'est voilà. pour deux tiers des Belges qui souhaitent passer les vacances avec leurs enfants. Donc voilà pourquoi on souhaite quand même que les vacances soient prises durant les vacances d'été, durant les vacances scolaires. Et ce qu'il y a de dingue aussi dans cette étude de chez Partena, donc, c'est qu'on a pu voir aussi qu'un travailleur sur trois lisait ses mails pendant ses vacances. On va même jusque les lire visiblement sur le transat à la plage. Comment c'est possible ça? Ah ben ça c'est l'hyper-connectivité d'aujourd'hui. Donc tous les travailleurs sont connectés, reçoivent leurs mails sur leur smartphone. Et quelque part, ils ont un peu de mal à se couper même durant les vacances. Donc il y a une lecture des emails, oui, pour un tiers des travailleurs. Il y a aussi un tiers des travailleurs qui ont du mal à se couper complètement de leur travail et qui se tracassent pour ce qu'ils vont retrouver une fois les vacances terminées. Et aussi, il faut le dire, un travailleur sur six qui trouve que ses collègues lui manquent durant les vacances et qui ont hâte de revoir ses collègues. Ah voilà, les collègues manquent, ça m'arrive tout le temps. Voilà. C'est terrible quand je pars en vacances, j'ai qu'une envie, c'est de revenir pour mes collègues adorés. En tout cas, merci beaucoup. Bah, je vous comprends. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, d'avoir donc commenté cette étude de chez Partena. Vous êtes à Sœur Vivacité, on revient d'ici quelques instants. Il y a des rendez-vous à ne pas manquer, des voyages extraordinaires où les couleurs, les matières et les idées vous emportent loin. Il y a des soldes qu'on ne louperait pour rien au monde. Il y a Imagine, près de chez vous, à Neupré. Des soldes sur l'ameublement qui valent vraiment le voyage, c'est chez Imagine, 132 route du Condroit à Neupré, ouvert même le dimanche. www.imagine.be. Vivacité Matin, dès 4h30, avec Karine Bresse, les meilleurs moments des émissions de la veille et bien sûr, toutes les infos dont vous avez besoin pour bien commencer la journée. RTBF Ovio, c'est ma toute nouvelle plateforme digitale audio et vidéo. RTBF Ovio, c'est en quelques clics une foule de contenus à voir et à écouter en direct, plus tard ou même avant les autres. rtbf.be/ovio. A-U-V-I-O. RTBF Ovio, libérez vos envies. UEFA Euro 2016, ce mercredi, première demi-finale à Lyon. à 21h, Portugal, Pays de Galles. Et 20h, avec la rédaction des sports et l'équipe de Complètement Foot, Vivacité vous fait vivre. 1 euro, bleu, blanc, but. Un projet pour vos aménagements extérieurs cet été ? Une terrasse, une cour ou des allées ? Chez Big Mat cette semaine, une super offre pour des pavés béton à 10,95€ du mètre carré. Mouais, mais 10,95€ pour un pavé 15 par 15 en 6 cm d'épaisseur, c'est rare. Et si en plus cette promo est valable sur tous les coloris disponibles, c'est dément. Votre Big Mat doyen à Serein, rue du Charbonnage. Le meilleur prix, qualité comprise. Retrouvez cette promo et bien plus encore sur bigmat-doyen.be. Retrouvez votre météo au 0900 277 70, 50 cents l'appel. La Chimay dorée, caractère, fraîcheur et légèreté pour l'été. Chimay, les accords bière et fromage depuis 1876. Jusqu'à 19h, 5 à 7. Ah oui, jusqu'au 19h, on se fait des bisous aujourd'hui dans le 5 à 7, des baisers même, hein, puisque c'est la journée internationale des baisers en ce 6 juillet. Donc à cette occasion, on vous a demandé vos plus beaux souvenirs de baisers, vos premiers baisers par exemple, est-ce qu'ils ont été bons ou mauvais ? Parce que ça peut aussi très mal se passer. Vous savez, le coup de la salade de langue, hein, comme on dit vulgairement, ça peut toujours parfois peut-être donner un avant-goût de dégoûtant pour les premières expériences. Et nous avons Chantal qui est avec nous, qui nous fait partager son expérience. Bonjour Chantal. Bonjour Lucas. De quelle région vous êtes Chantal ? Dombjolbert. Alors. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Ben c'est dans le Brabant wallon, non ? Oui, tout à fait. Je viens de Marseille-Motte. Il n'y a pas beaucoup de réseau, visiblement, voilà. À Dombjolbert. Non, je suis à Jolbert. Mettez-vous près d'une fenêtre. Vous allez nous raconter votre premier baiser. Sur le bord du chemin. Vous m'entendez ? Ouais, très mal. Très très mal. Mais bon. Essayez, on va voir. Alors, bon, ben, on va faire un petit... Allez, attendez, vous avez une chaise pas loin avec un cintre à proximité aussi ? Je suis en voiture. Ah bah garez-vous. Garez-vous, c'est dangereux en plus. Je sais, vous attendez. Mais vous savez ce qu'on va faire ? Je vais vous laisser vous garer bien à l'aise pour ne pas risquer un accident. Je serais quand même bien embêté d'être responsable. Calmez-vous, pas de problème. On est en famille. Allez, ça passe ? Non, attendez, vous savez ce qu'on va faire ? Mettez-vous bien à l'aise sur le côté, en voiture. Nous, on va parler d'épilation pendant ce temps-là. Voilà, on va changer totalement de sujet le temps que notre amie Chantal se mette en toute sécurité pour nous raconter son premier baiser. Ça s'appelle du teasing, ça, du suspense. On a hâte de l'entendre. Allez, on change de sujet pour l'instant. Donc, l'épilation, et oui, c'est la période hein, maintenant. Hein, les plages commencent à se couvrir et ça peut faire très très mal aussi. Par contre, eh bien, mesdames, évitez de vous épiler entièrement le maillot. Enfin, c'est pas moi qui le dis, hein. C'est une étude qui a été réalisée. Visiblement, l'épilation intégrale du maillot serait remise en question. Et pour nous en parler, nous avons une dermatologue en ligne. Elle s'appelle Lara El Eideri. Bonjour Lara. Bonjour. Alors Lara, en quoi ça ne peut pas être bon ? Est-ce que c'est vrai que ça peut apporter des complications, des infections, des problèmes dermatologiques ? Alors, l'épilation intégrale du maillot, non, il n'y a pas forcément plus de risques au niveau infectieux que si on enlève les poils, au contraire. Donc voilà, ça c'est la première remarque par rapport au sujet. Ensuite, est-ce que c'est déconseillé ? Non, mais maintenant on revient beaucoup dessus, notamment parce que chez des personnes plus âgées, d'un point de vue esthétique, on dit que bah, après la ménopause, avec le fait que les tissus au niveau des parties génitales deviennent un peu laxes, c'est pas vraiment bien perçu. Voilà, donc tout simplement. Vous contredisez totalement cette enquête qui parle vraiment de problèmes d'infection, non, de bactéries. Non, tout à fait. Je ne vois pas le lien. Parce qu'ici, c'est un phénomène physique que l'on crée, donc on enlève des poils. Les poils ont et sont des sources de captation de bactéries et de champignons. Donc le fait d'avoir moins de poils, au contraire, il n'y a pas de risque. Les poils sont à l'extérieur et pas au niveau des muqueuses. Donc si les personnes ont des champignons, ça se passe à l'intérieur en général, au niveau de la muqueuse, et non à l'extérieur, au niveau de l'épiderme. Et la méthode qui est utilisée ne joue en rien, là non plus. Ça n'a aucune incidence, le laser, la cire, le rasage ? Non, alors bon... Oui et non. Donc le fait, par exemple, de d'épiler à la cire, si les conditions hygiéniques ne sont pas respectées, si on tire le poil, ça veut dire qu'on va créer une inflammation et donc il y aura plus de risque de surinfection bactérienne. Donc là, oui, évidemment, le rasage, même chose. Quand on a une lame qui n'est pas bien propre, quand on n'a pas désinfecté bien après, le poil s'enflamme. Là aussi, je veux dire, on peut avoir plus de risque d'infection bactérienne, mais pas pour le laser, non. Le laser, c'est un mécanisme physique et donc le poil tombe au fur et à mesure du temps, d'une manière beaucoup plus douce, disons, que les autres types de d'épilation de rasage. Alors, on se dit aussi, enfin, il y a beaucoup de gens qui disent, après tout, si on a des poils pubiens à cet endroit-là, bah, c'est pas pour rien, pourquoi les enlever ? Oui, comme on peut le dire pour les poils du nez, et les gens fument au moins de poils au niveau du nez, ont plus de problèmes infectieux, pourquoi pas. Maintenant, au niveau des poils pubiens, on n'a pas vu dans des études à long terme, franchement, dans les études vraiment scientifiques de magazines, des revues américaines ou européennes, on n'a pas vu d'augmentation de risque infectieux au niveau des parties génitales après du laser, ça non. Voilà, puis c'est une question de goût après tout. Hein. Donc voilà, oui, mesdames, après, oui. N'ayez pas peur, visiblement, vous pouvez vous épiler entièrement, pas entièrement, comme vous voulez, les risques d'infection et tout, enfin selon vous en tout cas, eh bien pas de soucis à ce niveau-là. Merci pour cet éclaircissement parce qu'on en a pas mal parlé dans la presse ces derniers temps. Merci beaucoup. Avec plaisir. Bonne soirée. Allez, il est temps de retrouver le cactus, sans aucune transition, de Jérôme de Warzé. Alors, le cactus de Jérôme, c'est un best-of hein, durant cet été. Et on repart au mois de septembre, le 14, Nobidas en Syrie. En fait, ce 14 septembre, eh bien, notre ministre de la Défense souhaitait envoyer des troupes au sol en Syrie. Écoutez comment Jérôme l'a interprété. Cactus, tout s'accélère puisque notre ministre de la Défense souhaite envoyer des troupes au sol en Syrie. Oui, bonjour, Rul Mandach, Ale Chazal, en Ale Vieille Femelle. Grandeur, dignité. Bon, un mot tout de même, hein, pardon, un mot de plus pour le dernier JT de Claire Chazal hier soir, très ému hein, devant ma télévision. Surtout que je venais de regarder Ouf sur RTL, donc j'étais donc déjà submergé par l'émotion. Oh les chiens. Merci Claire Chazal, quelle classe, bravo. Vous demeurerez éternellement la seule cougar à ne jamais avoir pris un coup de vieux après avoir pris tant de coups de jeune. Claire, bravo Claire, mille fois merci. Oh. Je ne sais pas si l'hommage était à la hauteur. Joli. Ouais. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques. Hein. Je suis comme vous dans ce studio, je n'ai jamais de retour. Moi. Revenons à des choses bien moins tristes, la Troisième Guerre mondiale. Notre ministre de la Défense, le charismatique... je ne sais pas qui c'est en fait. Excusez-moi, je suis resté André Flao au moins. Vous vous souvenez, celui qui a refait la fortune des productions Gaumont après avoir relancé la franchise de la 7e compagnie. Steven Van de Put. Mais oui. Voilà. Steven Van de Put, et après on veut que les Français cessent de se moquer de nous, a déclaré ce week-end qu'il serait prêt à envoyer des troupes au sol en Syrie. Obstacle majeur, le transport des troupes. Les caisses sont vides et à pied jusqu'à Alep, on perd de l'influx nerveux. C'est vrai. Comment va-t-on transbahuter nos pioupiou ? On a d'abord évoqué le covoiturage. C'est à la mode. Mais malheureusement, dès le départ de Bruxelles, s'il fallait déjà en découdre à l'arme lourde avec les taximens pour se frayer un passage en quittant la capitale, non. Le train. Bon, alors étant donné que les militaires belges refusent de monter dans le Thalys tant qu'ils ne sont pas sûrs que des Marines y font service de bar, allez les persuader de monter dans un omnibus jusqu'en Syrie. Et puis les SNCB qui s'occupent du charroi, écoutez, arrivé 3 mois en retard, déjà, ça ne fait pas sérieux, mais vous imaginez Jacqueline Galland qui effectue le comptage des soldats sur les quais. On part à 2000, elle en compte 4000, elle en retient 3000 et nous nous vîmes 500 en arrivant au port de Tartous. Non. L'avion, bon alors en F-16, même en supprimant les axes sur le diesel par aller-retour, non. Ouais, non, ça n'ira pas. Pour le reste, bon, ben, on a à disposition un demi-C-130 et 3 planeurs, donc un partenariat avec Ryanair avait été évoqué, les tarifs étaient très intéressants. Certes, il fallait pédaler en cadence pour que l'appareil décolle, mais après que les militaires aient fait peser leur barda à l'enregistrement, les suppléments bagages étaient tellement élevés qu'il fallait choisir... soit les armes, soit les munitions. Maintenant, les munitions, bon, quand on sait que lors des manœuvres dans les Ardennes, il faut crier pan-pan pour éviter le gaspillage, ça ne va pas déstabiliser 3 chèvres paissant dans les dunes. Malaysian Airlines a proposé une correspondance. Il n'y avait pas de contrepétrie. Mais, Il n'y avait pas de... Est-ce que vous voulez, c'est horrible, je rigole, mais c'est horrible. Mais je ne comprends pas pourquoi vous... Mais non. Malaysian Airlines, je continue, hein, puisque heureusement, oui, Sarah n'a pas réagi. Malaysian Airlines a proposé une correspondance... mais se retrouver dans 3 mois avec 600 soldats inconnus pour les hommages, on ne s'en sortirait pas. Alors quoi ? Le bateau, ben en cale, bon là on a un quart de corvette et 3 zodiacs, donc et il n'est pas question de réquisitionner le yacht d'Albert II. Naviguer 5000 bornes avec Paola qui râle dans la soute, non merci. Alors pour l'instant, seul Uber tient la corde, mais là, il faut se dépêcher. Hein, il faut se dépêcher. Steven Van de Put, enfin stratège napoléonien, a précisé que les soldats de l'armée belge, je cite, « ne participeront pas au combat lourd, faute de moyens mobiles ». Donc là, j'ai ici l'ordre de la première mission. Il s'agit de terrotter les potagers bordant les édifices publics de Damas. Quelle pression ! Damas, ton est bon. Alors moi, donc j'ai une suggestion pour enfouir les caisses hein, de notre Carla Bruni. Notre grande muette, pardon. Si nos bidas partent en Syrie, et j'espère qu'ils resteront ici, je pense qu'il y a des périls bien plus graves à combattre dans nos zones de non-droit, hein, Molenbeek, Verviers, etc. Donc, s'ils partent en Syrie, qu'on sous-loue nos casernes aux réfugiés. Quelqu'un de meilleure idée ? Non. Bon, alors terminons sur cette lancinante question existentielle. Que ne manquera pas de se poser l'état-major belge en déploiement sur le terrain ? Et à laquelle je crois que personne n'aura de réponse. Quand nos militaires seront au combat, sur qui tirer ? Cela fera l'objet d'une prochaine chronique. Rompée. Vous êtes dans le 5 à 7 sans vivacité. On avait essayé de joindre notre amie Chantal tout à l'heure par rapport à notre fil rouge. Et oui, c'est la journée internationale du... Juste après. Du baiser. Du baiser aujourd'hui. Donc embrassez-vous, faites-vous plaisir et racontez-nous vos premières fois. Enfin, vos premiers baisers, on va s'arrêter là. Parfois c'est un bon souvenir, parfois un mauvais. Chantal, pour vous, du côté du Brabant Wallon, c'était un bon ou un mauvais souvenir ? C'était plutôt un mauvais souvenir. Qu'est-ce qui s'est passé en quelques secondes ? Alors, on était en plein dans l'époque des chanteurs à minette et avec ma cousine, on était deux grandes romantiques. Donc, on s'était dit, la première fois qu'on va se faire embrasser par un garçon, il faut que ça soit bien fait. Ouais. Donc, on a fait des répétitions générales ensemble. Et c'était génial. Ah, entre cousines, jour... c'est bien. Ah c'est oui, bien. Oui, tout à c'est fait. C'est éducatif. Oui. Et après ? Alors, le jour où ça s'est vraiment passé avec un garçon, le premier baiser, je me suis dit, il ouvrait la bouche beaucoup trop grande. Aïe, aïe, aïe. Et j'avais de la salive partout. Ah. Et je me suis... Le premier truc que je me suis dit, mais je dis, heureusement qu'on est au mois de juillet, si c'était au mois de janvier et qu'il bon, gelait. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, Chantal. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Merci de votre témoignage. La Chimée dorée. Caractère, fraîcheur et légèreté pour l'été. Chimée, les accords bières et fromages depuis 1876. Et avant le journal de 18h, on fait un point sur la météo, Dominique. 10 à 12 degrés la nuit prochaine, temps sec et amélioration confirmée pour la suite de la semaine. Du soleil, des températures de 19 à 24 degrés, 25 degrés vendredi jusqu'à 27 pour le week-end. Allez, de bonnes nouvelles, alors un beau week-end nous attend en perspective. Dites les amis, un petit conseil entre nous, si vous voulez pédaler avec nous samedi, préinscrivez-vous sur rtbf.be/lebeauvélo, vous gagnerez du temps et peut-être une bicyclette en BA. Vous écoutez Vivacité, il est 18h, voici les titres du journal. Un exploit belge sur le Tour de France, Greg Van Avermaet gagne la cinquième étape dans le Cantal, une étape de moyenne montagne et le Belge endosse le maillot jaune. Va-t-on interdire les échanges Erasmus, les échanges étudiants avec la Turquie ? L'université de Gand l'a déjà décidé, c'est la conséquence de l'attentat d'Istanbul la semaine dernière. Nous verrons comment réagissent les universités francophones. Et puis, nous ferons un petit plouf aussi en région liégeoise. Dans ce journal, l'été arrive enfin. Pour quelques jours, il va falloir en profiter. Et le journal de 18h, il vous est présenté par Marianne Brillo. Bonsoir. Bonsoir à tous. On fait tout de suite un détour par le Cantal et le Tour de France. Le bonheur pour les amateurs de cyclisme ce soir avec la victoire en solitaire de Greg Van Avermaet. Le maillot jaune est pour lui. Thomas De Geyne finit deuxième. Il endosse le maillot de meilleur grimpeur. On croit rêver, Samuel Grulois. Ah oui, on a un vrai rêve ici sur les routes du Tour de France. Greg Van Avermaet, après 5h 31 minutes d'effort, a donc remporté cette étape où on ne l'attendait pas vraiment. Il a endossé le maillot jaune du même coup et il a devancé sur la ligne Thomas De Gendt qui lui a enfilé le maillot à poids de meilleur grimpeur. Journée de rêve pour le cyclisme belge. Nous ne sommes pas le 21 juillet. Pourtant, la Brabançonne aurait pu retentir aujourd'hui sur les routes de la Grande Boucle. Greg Van Avermaet qui compte désormais plus de 5 minutes d'avance sur ses principaux poursuivants au classement général. Ça veut donc dire qu'il peut espérer garder cette précieuse tunique quelques jours du côté des favoris. Petite surprise, Alberto Contador a encore cédé du temps. 33 secondes sur Christopher Froome et Nairo Quintana. Nibali a cédé environ 3 minutes sur les principaux favoris. Cette étape du Cantal a donc fait des dégâts et il y aura encore des dégâts, c'est certain, dans les prochains jours, une fois dans les Pyrénées. Merci Samuel, Samuel Grulois, que l'on retrouvera évidemment dans le journal du Tour avec le vainqueur. 18h02 sur Vivacité, la commission parlementaire sur les attentats de Bruxelles a terminé le premier volet de ses travaux. Un premier volet sur la gestion des services de secours, la chaîne de commandement et de communication des décisions prises en cas d'attaque terroriste. Cette chaîne doit être plus courte. Le ministre de l'Intérieur, Yann Yambon, l'a dit cet après-midi lors de son audition devant les députés. Les experts de la commission d'enquête parlementaire préconisent la création d'une cellule de commandement opérationnel au sein du centre de crise pour une communication beaucoup plus directe avec les acteurs concernés. Charles Michel ne se laissera pas intimider. Le Premier ministre a réagi après la diffusion d'une nouvelle vidéo de propagande du groupe terroriste État islamique. Charles Michel désigné responsable des attentats du 22 mars à Bruxelles. « Nous ne reculerons pas », dit Charles Michel. « Nous sommes déterminés à poursuivre la lutte contre le terrorisme avec nos partenaires. » L'université de Gand interdit à ses étudiants les voyages en Turquie. C'est la conséquence de l'attentat d'Istanbul de la semaine dernière, une attaque de l'aéroport qui a fait 45 morts et des dizaines de blessés. L'université de Gand ne veut prendre aucun risque. Tous les échanges Erasmus sont annulés pour le prochain semestre, ainsi que les déplacements du personnel. Alors, Lionel de Neubourg, est-ce que les universités francophones pourraient aussi aller vers une telle interdiction ? Non, côté francophone, on ne comprend pas. On trouve que c'est démesuré. Exemple, à l'UCL, on préfère faire confiance au contact sur place. Christian Duquet est responsable des relations internationales. Nos facultés travaillent avec leurs partenaires en Turquie. Elles sont, je pense, à même aussi de pouvoir suspendre un échange si les conditions ne sont plus remplies, à la fois d'un point de vue sécurité, mais aussi qualité de l'enseignement que pourraient recevoir nos étudiants. A priori, les 10 étudiants de l'ICL iront donc bien en Turquie en septembre prochain pour faire leur Erasmus. Oui, à l'ULB non plus, pas question d'interdire les échanges. Non, tout au plus, on recommande la prudence, comme le fait déjà le ministère belge des Affaires étrangères. Et au-delà du risque terroriste, d'autres éléments pourraient plutôt influencer les relations avec la Turquie. Serge Jaumin, vice-recteur de l'ULB. Nous pourrions suspendre nos relations avec un certain nombre d'universités turques si certaines universités prennent des positions qui sont contestables en matière, par exemple, de droits de l'homme. C'est le cas pour le moment d'un certain nombre d'universités turques, mais heureusement, nous n'avons pas de collaboration avérée aujourd'hui avec celle-là. Pas d'interdiction générale, donc, mais les étudiants qui le veulent peuvent toujours demander un changement de destination. Merci Lionel. Lionel de Neubourg avec Caroline Hick. Ce nouveau mouvement de grogne à la caserne des pompiers de La Louvière, les 16 hommes qui devaient prendre leur service ce matin ont rendu un certificat médical. Une partie de l'équipe de nuit est restée. Des renforts sont aussi venus des casernes avoisinantes pour assurer la permanence. À l'origine de ce mouvement, le non-paiement d'une allocation liée au diplôme. Une réunion aura lieu demain matin à la caserne et les pompiers de La Louvière décideront ensuite de la suite des actions. Il faut dire qu'une grève administrative est en cours depuis plusieurs semaines déjà dans cette caserne où les pompiers dénoncent un manque d'effectifs ainsi que des problèmes récurrents concernant leurs vêtements de travail et leur matériel. Et à 18h05 sur Vivacité, on embarque à présent dans la caravane agricole. La caravane agricole, c'est une formation itinérante et qui s'adresse à ceux qui veulent se lancer comme indépendants dans l'horticulture ou comme maraîcher par exemple. C'est un secteur qui est en plein développement, mais beaucoup échouent par manque de connaissances commerciales notamment. La caravane était ce matin dans la région de Huy. Thierry Van Gulik y était. Il ne suffit pas de savoir planter une salade, encore faut-il savoir la vendre. Et apprendre aux jeunes à gérer une affaire, c'est le travail de Jean-Claude Rasquin, coordinateur de la caravane agricole. On va sur le terrain confronter la réalité des chiffres, plan financier, plan économique, business plan, avec des gens qui le font vraiment et qui découvrent l'adaptation aux réalités du marché. Le maraîchage est lié aux saisons, au temps, et donc il y a des écueils un peu particuliers. Ce n'est pas que du mois d'avril au mois de septembre qu'on récolte, mais justement on leur donne aussi toute une série de conseils, de techniques pour avoir, au-delà du business plan, un plan de plantation et de semis qui leur permet de produire toute l'année. Le maraîchage, c'est une passion de toujours pour Émilie, qui va tenter de réaliser son rêve. J'aimerais bien me lancer indépendante et en complémentaire d'abord, et puis par la suite grandir si c'est possible. Ce que j'ai peur, c'est de me lancer et de pouvoir m'en sortir au niveau de l'argent. D'où l'intérêt de cette formation, et c'est vrai qu'on est bien aidé, heureusement. Une profession exigeante, mais riche de promesses. Depuis 4 ans, la moitié des stagiaires de la caravane ont créé leur propre entreprise et ils ne se sont toujours pas plantés. Un reportage de Thierry Van Gulik. Et maintenant, comme promis, enfin, parfum d'été, le soleil qui devrait nous réchauffer pendant plusieurs jours. Enfin, des températures bientôt dignes de ce mois de juillet. Et il va falloir en profiter. Vous savez, chez nous, ça ne dure jamais. Reportage à la piscine de Wégimont, en région liégeoise. Benjamin Carlier. 26 degrés dans l'eau et plus de 20 degrés au soleil. Au domaine de Wégimont, on n'avait plus connu pareille météo depuis le mois de mai dernier. Alors dès qu'elle a appris que le beau temps arrivait enfin, cette mère a embarqué toute sa famille pour profiter des joies de la piscine et des toboggans. On a entendu la météo, alors on a profité de venir, ouais. Et il n'y a pas que les familles qui en profitent dans l'eau. Les maîtres nageurs peuvent également enfin parfaire leur bronzage tout en travaillant. Ah oui, ça c'est quand même plus agréable quoi, qu'avec nos gros pulls et nos trainings. Mais ici, c'est le premier jour ou quoi? Vous allez enfin pouvoir un peu bronzer en travaillant? Oui, même fallu mettre un petit peu de crème. Les touristes présents ce matin profitent donc de la quiétude encore relative dans l'eau aujourd'hui. C'est le cas d'Osman, 9 ans, qui attendait l'arrivée du soleil avec la plus grande impatience pour pouvoir enfin venir à la piscine. Quand il fait chaud, on peut aller à la piscine, on peut aller tout partout et c'est bien. Et c'est la première fois cette année que tu peux aller à la piscine ici en plein air ? Ici, c'est la première fois que j'y vais. Mais les nuages ne sont tout de même jamais très loin et les enfants espéraient tout de même un plus beau début de grandes vacances. J'aimerais mieux s'il faisait plus beau, mais voilà quoi. Ça va, c'est pas qu'on peut pas aller à la piscine, voilà. Il fait pas, il fait bon quand même. Eh oui, c'est bon quand même. C'était un reportage de Benjamin Carlier en région liégeoise. Merci Marianne Brillo. On fait un point sur les conditions de circulation en 18h08. Avec Adrien Demey, bonjour. Bonjour, on a quelques perturbations essentiellement concentrées sur le ring de Bruxelles. Tout d'abord, il y a un accident en circulation intérieure à hauteur de Grand Bigard, kilomètre 49.3. C'est la voie de gauche et la voie centrale qui sont toutes deux neutralisées. Ça ralentit en amont depuis Dilbeek vers Zaventem. Autre entrain relié à cette plaque de bois qui encombre la bande de gauche à hauteur de Vilvoorde dans l'autre sens, vers Grand Bigard donc. Et puis les retards les plus conséquents, eh bien le plus conséquent c'est une vingtaine de minutes perdues entre Grand Bigard et Hautitre et une quinzaine de minutes supplémentaires entre Hautitre et Grand Bigard. Pour le reste, situation plutôt habituelle au cœur de Bruxelles, si ce n'est que ça ralentit également dans le tunnel Boileau vers Mézières. Etias est le meilleur assurance RC Auto par Decavi. Rendez-vous sur etias.be. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Cuisine préférée. Nos soldes, c'est jusqu'à moins 70% sur une sélection de cuisine d'expo. Cuisine préférée, mon rêve, ma cuisine. Vivacité, le journal des sports. Françoise Aleski avec vous, bonsoir. Dans un instant, on évoquera la première demi-finale de l'Euro, Portugal-Pays de Galles. On parlera tennis avec le comeback incroyable de Federer à Wimbledon. Et on reviendra aussi sur la journée pourrie de la famille Borlée à l'Euro d'athlétisme. Mais tout de suite, direction le Tour de France. Il a pris du relief aujourd'hui dans le Cantal. Et au sommet, on retrouve désormais un Belge, Greg Van Avermaet, auteur d'un très grand numéro. Il a remporté la cinquième étape avec panache et s'empare du maillot jaune. Les favoris ont accéléré en toute fin d'étape avec Contador comme unique victime sur la ligne d'arrivée. Au Lioran, on rejoint notre envoyé spécial Samuel Grulois et notre consultant Cyril Saugrin. Messieurs, bonsoir. Des étapes comme celle-là, on en redemande. Bonsoir François. Bonsoir. Greg Van Avermaet rêve de remporter le Tour des Flandres, mais le rand ne lui a jamais réussi. Par contre, le Tour de France lui a permis en moins d'un an d'enrichir et de quelle manière son palmarès. Le 17 juillet 2015, il s'imposait à Rodez. Le 6 juillet 2016, il gagne au Lioran après une sublime échappée de plus de 200 km dans le Cantal sur des reliefs a priori trop difficiles pour le chasseur de classiques qu'il est. Mais le coureur de la BMC a affiché aujourd'hui une rage de vaincre exceptionnelle. Il voulait réaliser quelque chose sur ce tour, et bien c'est fait, c'est bien fait, c'est même très bien fait. Victoire d'étape et cerise, énorme cerise sur le gâteau, le maillot jaune, que du bonheur. Mon plus bel moment de mon carrière, un maillot jaune en Tour de France, c'est pas mal et c'est quelque chose de très spécial, je pense. Et aussi avec une victoire d'étape, je pense que mon tour est déjà parfait. Maintenant je suis tranquille, je suis vraiment heureusement et ouais, je vais prendre le maillot jaune dans le podium, c'est quelque chose de spécial. En avril dernier, Van Avermaet s'est cassé la clavicule sur le Rand après plusieurs semaines d'arrêt. Il a donc débarqué sur le tour un peu plus frais que prévu et ce succès est une revanche sur le sort. Ouais, j'étais là, je pense, dans le printemps, et j'étais là dans le classique. Malheureusement, j'étais en chute en Flandre parce que je sens vraiment bien cette source. Mais c'est comme ça, et ouais, maintenant, c'est quelque chose d'autre. Et c'est important, un coureur comme moi, gagner la course et gagner une étape encore dans le Tour de France, c'est la meilleure. La première réaction de Greg Van Avermaet recueillie sur la ligne d'arrivée par Jérôme Elgers, 41 ans après le succès de Paul Antier ici même. Le cyclisme belge est donc une nouvelle fois à la fête. Au Lioran, Van Avermaet a devancé sur la ligne un autre Belge, Thomas De Gendt, élu plus combatif de l'étape et nouveau maillot à poids. Bref, une journée noir-jaune-rouge sur la grande boucle. Cyril Saugrin, ce qu'a réalisé Greg Van Avermaet aujourd'hui, eh ben c'est magnifique, d'autant plus que c'était plutôt inattendu. Oui, inattendu probablement dans sa tournure, mais il est clair que ce profil d'étape, on imaginait qu'il pouvait y avoir une échappée, et je pense qu'un coureur comme Greg Van Avermaet avait toute légitimité à prendre cette échappée. Il était très proche du maillot, donc est-ce qu'on aurait laissé cette échappée se dérouler? Finalement, c'est ce scénario-là qui s'est affiché. Greg Van Avermaet a pris la bonne échappée. Il fallait quand même avoir les jambes parce qu'il fallait être très costaud. Regardez derrière, bon nombre des coureurs des 9 du départ ont été repris malgré les 15 minutes d'avance. Donc Greg Van Avermaet a réalisé un réel exploit. Il était dans une grande journée et ça se termine avec une victoire d'étape et un maillot jaune. Alors au général, Van Avermaet compte plus de 5 minutes d'avance sur ses plus proches poursuivants. Question, Cyril, jusque quand peut-il conserver ce maillot jaune? Demain, a priori, pas de souci vers Montauban. Par contre, vendredi, vers le lac de Payolle, il y aura l'Aspin au programme quand même. Oui, il y a quand même l'Aspin au programme. C'est vrai que je pense qu'au lac de Payolle, ça risque d'être très compliqué de conserver ce maillot jaune. D'une, parce qu'il a quand même de gros leaders dans son équipe. Il va devoir travailler un moment ou un autre, et peut-être qu'à ce moment-là on demandera à ce qu'il soit aux côtés de ses leaders. Comme il l'a déjà dit dans les interviews, son Tour de France à lui, il est réussi, une victoire d'étape, un maillot jaune, il va pouvoir maintenant se mettre au service de ses équipiers, de ses leaders pardon, et se concentrer pour faire le meilleur des travaux pour eux. Maintenant l'ascension du lac de Payolle, si les jambes sont admirablement bonne, il va se battre, mais il va y avoir quand même la bagarre des grands champions, des grands leaders pour le Tour de France dans cette première ascension. Donc attention, peut-être pas la grande bagarre, mais ça risque à mon avis d'être compliqué de le garder. Alors on dira, s'il est super bien, dans la meilleure des conditions, il l'a pour la première étape des Pyrénées et aller vers Bagnères-de-Luchon. Du côté des favoris, quelques surprises, à commencer par Alberto Contador qui a cédé 38 secondes supplémentaires. En un mot, rapidement, Cyril, Contador, est-ce qu'il peut gagner le Tour de France sur ce qu'on voit maintenant? Surprise, plutôt une confirmation des débuts de Tour de France difficiles. Bouteille à moitié vide ou à moitié pleine. Ouais. Et est-ce qu'il peut le gagner? Aujourd'hui, je commence à me dire, pour moi, non, plus maintenant, parce qu'il devait déjà, en tous les cas, être sûr de ne pas perdre trop de temps sur des Froome et des Quintana. Donc là, maintenant, avec un peu plus d'une minute 20 ou une minute 30, je pense, de retard, c'est clair qu'à mon avis, ses chances pour l'arrivée à Paris en jaune sont anéanties. Ouais, Contador compte désormais 1 minute 20 de retard sur Froome et Quintana. Nibali a explosé et a cédé plus de 8 minutes sur ses adversaires. Quant au maillot jaune, Peter Sagan, il est arrivé 23 minutes après Van Avermaet. Demain, il quittera Arpajon avec le maillot vert. Merci messieurs, donc à demain pour vivre cette étape avec un Belge en jaune. On va évidemment en profiter. On en vient au football et à cette première demi-finale de l'Euro ce soir, Portugal-Pays de Galles. Les supporters belges la regarderont forcément avec un petit pincement au cœur en direct sur la 2 TV. Alors le Pays de Galles sera-t-il capable de réaliser un nouvel exploit? Ce sera sans doute compliqué puisque Ramsey et Ben Davies sont suspendus. Il reste quand même Gareth Bale, mais l'entraîneur portugais Fernando Santos ne veut pas se focaliser sur la star galloise. Nous devons bloquer une équipe et pas seulement un joueur. À mon époque, quand je jouais, c'était commun de marquer chaque joueur. Je l'ai fait beaucoup. Aujourd'hui, vous devez essayer de contrôler le match tactiquement. Dans chaque équipe, il y a des super joueurs. Je pense que cette équipe, même avec un grand joueur, possède une grande force collective. Nous ne devons pas juste nous concentrer sur Bale. Ce serait une erreur de notre part. À Portugal, Pays de Galles, ce sera donc à 21h. Et puis Lionel Messi, la star du Barça, et lui dans de beaux draps, le quintuple Ballon d'Or et son papa ont été condamnés en Espagne à 21 mois d'emprisonnement et 3,7 millions d'euros d'amende pour fraude fiscale. Léo Messi qui devrait cependant éviter la prison puisqu'en général les peines de moins de 2 ans ne sont pas exécutées en Espagne. Un euro d'un autre genre à présent. Les championnats d'Europe d'athlétisme ont débuté ce mercredi à Amsterdam. Première journée consacrée essentiellement officiellement à des qualifications et aux premières épreuves du décathlon. Anna Fitiam s'est hissée en finale de la hauteur, Anne Zagré en demi sur 100 mètres haies. Qualification aussi pour Julien Watrin sur 400 mètres. En revanche, c'est une journée noire pour le clan Borlée. Gaëtan Van Kerkhove, vous avez suivi ça dans le stade. Olivia et Jonathan ont tous deux été sortis en série et ça, c'est un mauvais signe pour la délégation belge. Oui, même si on se doutait que ce serait moins facile qu'annoncer, sur papier, ils devaient tous les deux passer les doigts dans le nez. Olivia, tout d'abord, depuis sa résurrection au championnat de Belgique, elle avait un des meilleurs chronos désengagés, car on l'a dit, en série de sprint, les 12 meilleures européennes sont exemptées. Et pourtant, rien n'y a fait. Deuxième partie de course beaucoup trop lente, 23 secondes 64 à l'arrivée côté chrono. Et pour cause, l'aînée des Borlées souffre depuis quelques jours d'une douleur pas vraiment inquiétante, mais handicapante. J'ai un petit souci à l'ischio depuis une semaine, un an. Et donc j'ai senti mon ischio assez fort dans la ligne droite et j'ai pas voulu prendre de risques et pas continuer à accélérer. J'étais contente déjà d'être là, mais j'avais surtout pas envie de prendre de risques. Olivia Borlée qui préfère donc se préserver pour les JO et elle sera peut-être imitée malgré lui par son petit frère Jonathan qui est complètement passé à côté de son 400. Il avait déjà loupé le podium des championnats de Belgique il y a 10 jours. Ici, il est tombé à 3 secondes de son record de Belgique. Il n'avait tout simplement plus de jambes, comme il l'a expliqué à la volée en mix zone après la course. Ça m'a coupé les jambes. Je sais pas vraiment l'expliquer. Comme j'ai dit à l'entraînement, ça va de mieux en mieux et j'espérais qu'aujourd'hui ça aille mieux, malheureusement. Ça n'a pas été. Une contre-performance qui inquiète. Jonathan Borlée a d'ailleurs été emmené à l'hôpital cet après-midi pour faire une prise de sang pour détecter, par exemple, une mononucléose. Il est, ça va sans dire, fortement incertain pour le relais 4x4 de ce samedi. Merci Gaëtan. On attend par ailleurs des nouvelles du test de Kevin Borlée pour savoir s'il s'alignera en individuel et on signalera encore l'élimination d'Arnaud Gillin sur 400 mètres et Arnaud Gillin légèrement blessé, lui aussi depuis quelques jours. Et puis en tennis, Roger Federer a eu très chaud aujourd'hui sur le gazon de Wimbledon. Le Suisse s'est qualifié pour les demi-finales au terme d'un match épique de plus de 3 heures face à Marin Cilic. Le Croate avait gagné les deux premiers sets 7-6, 6-4. Federer a pris le troisième 6-3 et le quatrième 7-6 après avoir sauvé 3 balles de match. Il s'est finalement imposé 6-3 dans la dernière manche et en demi-finale, Federer retrouvera le tombeur de David Goffin, Milos Raonic, qui a gagné 6-4, 7-5, 5-7 et 6-4 face à l'Américain Carey. Raonic avait déjà atteint les demi-finales il y a 2 ans. Les deux autres quarts de finale ont débuté. D'un côté, le Tchèque Berdych face au Français Lucas Pouille. Son compatriote Joe Wilfried Tsonga sera lui opposé, et lui-même opposé à l'instant, à l'Écossais Andy Murray. Après ces grands rendez-vous mondiaux, on se recentre sur la Belgique, quoique c'est aux Pays-Bas, à Mierlo, que le Sporting de Charleroi a choisi de préparer la prochaine saison de foot en D1. Une semaine de travail intense et un joueur a déjà impressionné par sa forme physique. C'est Clément Timmon, l'ailier, qui a profité de cette semaine de stage pour reparler à la presse après plusieurs mois de silence. Il était mécontent d'un article qui relatait en fait une discussion privée qu'il avait eue avec son coach Felice Mazzu. Mais le joueur français a décidé de tourner la page et il s'est donné les moyens de revenir à son niveau après une saison compliquée. Clément Timmon au micro de Christophe Reculé. J'ai beaucoup travaillé pendant les vacances et je pense que le staff là a pris conscience de mon travail puisque dans les tests physiques j'étais devant, premier. Un coach mental aussi, c'était un besoin ? J'ai longtemps hésité parce qu'on se dit que quand tu vois un coach mental c'est que t'as des problèmes ou tu vois un psy, mais c'est même pas du tout ça. C'est qu'après j'ai pris conscience que même à la Gantoise, j'ai vu qu'ils étaient suivis. Franchement, je m'attendais pas à vivre des expériences comme je suis en train de vivre en ce moment même avec le coach mental. Votre message est clair, vous êtes 100% Carolo pour la saison à venir. C'est clair qu'il y a un article de presse, un certain site qui s'est permis de transformer des propos. Ça m'a déçu. Je pense que n'importe qui, dans n'importe quel domaine, au moment où tu sens que t'as un peu moins de confiance, et tu te dis peut-être qu'il est temps que le cycle s'arrête. Ça s'est produit dans ma tête et je te cache pas qu'aujourd'hui ça peut encore se produire, forcément. C'est pour n'importe quel joueur. Mais vraiment aujourd'hui, ce qu'il faut entendre et comprendre, c'est que moi je suis à 100% à Charleroi. Maintenant, ça sera retranscrire en match et puis à reproduire les performances qui étaient les miennes. À Clémentin Mont, au micro de notre envoyé sur place, Christophe Reculé. À noter que le stage du Sporting de Charleroi se terminera samedi. Quelques infos transferts encore. Anderlecht s'est renforcé aujourd'hui après les arrivées de Sofiane Hani et de Denis Appia. C'est au tour de Sébastien Desmaillot de signer au Sporting. Sébastien Desmaillot a signé pour 4 ans. Il vient de la Genoa en Italie. Le montant du transfert, 4 millions d'euros. Et puis le joueur arménien Henrik Mkhitaryan quitte Dortmund et il rejoint Manchester United. Enfin en Italie, l'Argentin Marcelo Bielsa est le nouvel entraîneur de la Lazio de Rome. El Loco était son poste depuis sa démission surprise à Marseille au soir de la première journée de championnat. Chez nous, ce n'est pas le Loco, mais le Luca Correa qui va reprendre la main pour le 5 à 7. Joli, joli. Merci François Zaleski. Il est 18h22. Vivacité, le sport en toute complicité avec l'ADEPS. Jusqu'à 19h, 5 à 7. On va partir en vacances. On va surtout vous parler de vos vacances en famille que vous allez peut-être bientôt entamer. C'est pas toujours de tout repos, hein, surtout si vous partez en famille avec des jeunes enfants. On se fait des frayeurs, hein, parfois en les surveillant, surtout quand il y a beaucoup, beaucoup de monde sur les plages. Quelques stress par-ci, par-là. Eh bien, pas de panique. Il y a Remember, une application qui pourrait, en cas de problème, aider les enfants à retrouver leurs parents. C'est dans la suite du 5 à 7 sur Riva. Et puis, on va parler aussi de fruits. C'est vrai que si vous avez un jardin avec plusieurs arbres, vous avez votre pelouse qui est remplie de cerises, de fraises, de framboises, et en général bah, tous ces fruits eh bien, sont gaspillés, peut-être pas tous, mais vous n'allez pas faire des confitures non plus tous les jours et les refiler à tous vos amis à tout bout de champ comme on dit. Mais alors il y a une bande de jeunes belges qui ont décidé eh bien, de faire une bonne action avec tous ces fruits. Déjà ils vont les chercher à domicile, ce qu'ils en font par la suite, eh bien, on vous expliquera tout ça dans la suite du 5 à 7 sur Vivacité. Mais là tout de suite après ce petit générique, c'est le Dico Food qu'on va ouvrir aux côtés de Sandrice Cotter, Candice Cotter sur Vivacité. On va remettre les syllabes à leur place et on arrive juste après ceci. Dico Food, Dico Food, Dico Food, Dico Food. Le Dico Food du 5 à 7. Hello tout le monde, le Dico Food va s'arrêter ce soir, mercredi jour des enfants, sur la lettre M. On va parler maïs et vous allez voir qu'avec le maïs qui est dans sa saison, on va faire vraiment quelque chose de bien bien sympa. Alors le maïs, on le trouve en épi pour le moment, et le maïs barbecue qui est typiquement américain, on peut vraiment se le faire chez soi, c'est juste qu'on hésite parce qu'on ne sait pas forcément comment faire et c'est tellement simple. À l'américaine, c'est 15 minutes au barbecue après avoir arrosé de beurre fondu vos épis. C'est pas plus compliqué. Vous pouvez les laisser dans leurs feuilles si vous voulez, mais vous ne devez pas. Si vous avez envie d'avoir la marque du grill sur le maïs, vous pouvez tout à fait enlever les feuilles et laisser les grains de maïs exposés. Si vous avez envie d'avoir quelque chose qui va cuire davantage, entre guillemets, à l'étouffée, un grain un peu moins craquant mais plus fondant, alors à ce moment-là, vous laissez les feuilles et vous aurez les marques du grill sur les feuilles que vous badigeonnez tout autant de beurre fondu. Hein, toujours le même principe. Alors ici, l'idée, c'est qu'on va se faire des boulettes de poulet avec du maïs à l'intérieur et des tomates séchées. C'est un super, super repas pour les enfants, pour les grands aussi, mais pour les enfants, ça passe tellement bien. Et c'est très sympa quand vous avez envie de faire un barbecue. Vous pouvez les faire complètement à l'avance et les réchauffer sur le barbecue. Le poulet sera déjà cuit. Ça prend exactement 2 minutes montre en main. Donc ça peut être vraiment un tout bon truc si vous avez envie de ça. 500 grammes de filet de poulet, c'est ce qu'il vous faut. Un épi de maïs par 500 grammes de poulet. Donc il vous faut un épi de maïs. Je prends des petites tomates confites à l'huile. J'en prends 10. Et parce que j'en aime le goût, je prends 80 grammes de cheddar râpé que vous trouvez maintenant dans la majorité des supermarchés, en bloc ou râpé déjà, donc franchement simple. Un œuf battu, ça reste des petites boulettes, huile d'olive, poivre. Vous faites cuire votre épi de maïs 5 minutes à l'eau bouillante. Donc là, vous enlevez les feuilles, vous jetez votre épi de maïs dans de l'eau bouillante, en entier comme ça, tel quel, on s'ennuie pas. 5 minutes à l'eau bouillante, c'est bon, c'est cuit. Il n'y a plus qu'à égrainer, vous passez une lame de couteau le long des grains de maïs, il y a tout qui tombe, c'est hyper facile, vous mettez de côté. Vous faites cuire vos filets de poulet à la poêle et vous les hachez dans le bol du mixeur. Donc vous allez mixer votre chair de poulet cuite. Vous mettez de côté aussi. Vous hachez vos tomates confites au mixeur avec le même mixeur pas nettoyé. C'est tout à fait facile, tout à fait bien. Vous allez obtenir une pâte un peu grumeleuse, un peu épaisse qui va vous donner beaucoup de corps à vos boulettes et beaucoup de saveur. Reste ensuite à tout mélanger. Un bol, votre poulet, les tomates hachées, les grains de maïs, le cheddar, l'œuf, c'est le poivre, et vous façonnez des petites boulettes de la taille d'une noix. Alors, soit vous les faites cuire au four, soit vous les faites cuire à la poêle. Pour ma part, je trouve qu'à la poêle, elles restent plus moelleuses. Donc, vous les mettez dans une poêle, fond d'huile d'olive. Elles sont déjà cuites, donc en gros, c'est vraiment les faire rissoler pour les croûter un tout petit peu. Et ce que vous pouvez faire, si vous avez envie de vous le faire barbecue style, à ce moment-là, vous prenez une pique à brochette, simplement trempée dans l'eau

mais ne reste à la. Vous écoutez Vivacité, il est 18h30, les titres du journal avec Natacha Stragier. Bonsoir. Deux ministres fédéraux cet après-midi devant la commission d'enquête parlementaire attentat de Bruxelles. En ce moment, c'est la ministre de la Santé, Maggie De Bloch, qui s'exprime. Et avant elle, le ministre de l'Intérieur. Les députés planchent toujours sur le volet organisation des secours le 22 mars. On est revenu une fois de plus sur l'ordre tardif de fermeture du métro avant l'explosion de Malbec. Pour Yann Yambon, même avec des chaînes de commandement plus courtes, on n'aurait pas pu en 20 minutes évacuer l'ensemble du réseau. Depuis les attentats, la sécurité a évidemment été renforcée. C'est un peu partout, notamment sur les festivals. C'est le cas en ce moment à Liège, aux Ardentes. Fouilles de sacs notamment, pas de quoi ravir tout le monde. Vous l'entendrez tout à l'heure à 19h. Et puis on reviendra évidemment sur la victoire de Greg Van Avermaet. Il a remporté la 5e étape du Tour de France et endosse le maillot jaune. Il a lâché son dernier compagnon d'échappée, un autre Belge, Thomas de Gent, à 17 km de l'arrivée. Ce dernier obtient le maillot à poids du meilleur grimpeur et le prix de la combativité. Il s'agit du premier doublé belge au Tour de France depuis 2007. On y reviendra dans le journal tout à l'heure à 19h. Merci Natacha. Restez avec nous en studio parce que je pense que Dominique a de bonnes nouvelles concernant la météo d'aujourd'hui. Du soleil et de la chaleur en perspective pour la suite de la semaine. Le temps sera sec, l'amélioration se confirme donc. Le soleil se montrera très généreux les jours prochains. 19 à 24 degrés au côté des températures. Demain, 21 à 25 degrés. Vendredi, le week-end sera chaud, 24 à 27 degrés. On parle même de 30 degrés localement dimanche et il faudra faire attention du coup à des coups de tonnerre possibles et forcément comme chaque fois en fin de journée ça risque de faire boum dans certains endroits. Pas trop fort j'espère en tout cas. Profitez. J'espère qu'il n'y a pas de boum aussi sur la route. Adrien Demey. Ben non, pas trop fort heureusement. D'ailleurs, c'est dégagé sur le ring de Bruxelles en circulation intérieure. Plus d'entraves concernant cet accident qui s'était produit tout à l'heure. Plus d'entraves donc à hauteur de Grand Bigard vers Zaventem. C'est une situation, ma foi, fort habituelle hein, sur ce ring de Bruxelles. Une quinzaine de minutes perdues tout au plus sur le tronçon entre Grand Bigard et au titre. Pour le reste, on nous signale qu'au cœur de Bruxelles, vous êtes ralenti rue Béliard entre l'avenue des Arts et la chaussée d'Etterbeek. Il y a un chantier à cet endroit, on nous signale de gros embarras de circulation sur cet axe et sur les axes avoisinants. Vous voilà prévenu si vous passez par là. Et puis ça ralentit également au niveau des tunnels habituels sur la petite ceinture. Ajoutons également le tunnel Boileau, cela ralentit vers Mézières, le tunnel Reyers également vers le centre-ville. Etias est le meilleur assurance RC Auto par Decavi. Rendez-vous sur etias.be. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. 5 à 7. Jusqu'à 19h sur Vivacité. Et oui, le 5 à 7 est même là pendant vos vacances peut-être. Et peut-être que vous n'allez pas rester en Belgique, vous allez partir à la plage avec toute la petite famille, avec les enfants. Vous allez prendre du bon temps, vous détendre et peut-être aussi avoir une petite seconde, quelques secondes d'inattention. Et là, c'est le drame. L'enfant, le petit, n'est plus à portée de vue. On se demande où il est et là, ça peut véritablement être la panique. Bon, heureusement, les enfants, pour la plupart du temps maintenant, eh bien, sont connectés mais ne connaissent pas toujours le numéro de téléphone de leurs parents. Heureusement, il y a une application qui vient d'être créée, elle s'appelle Remember, une application qui aide les enfants à retrouver leurs parents. Pour en parler, Delphine Morales est avec nous. Bonjour Delphine. Bonjour. Vous êtes secrétaire générale de Missing Children Europe. Alors, c'est vrai, les enfants, ça part vite, hein, 20 secondes, il paraît. Mais oui, il faut faire attention. Bien entendu, ça dépend un petit peu de l'âge de l'enfant et de la façon dont on a parlé à son enfant pour un peu expliquer ce qu'il faut faire quand on est en vacances, etc. Et justement, Remember est une opportunité pour parler de tout ça et pour prévenir qu'il y ait ce genre de problème une fois qu'on est à la plage, en vacances ou quoi que ce soit. Parce que vous avez tout capté, vous, avec cette application. C'est vrai que les gamins, maintenant, ils sont tous devant leur petite tablette, leur smartphone. Et donc, c'est plus facile de faire retenir un numéro de téléphone, celui des parents en l'occurrence, par ce biais-là. Mais c'est ça. Donc nous, notre génération, on connaissait le numéro de téléphone de notre parent parce qu'on tournait plusieurs fois par jour. Mais là, aujourd'hui, les enfants ne le font plus. Par contre, ils passent beaucoup de temps sur des tablettes souvent et c'est une opportunité pour eux d'apprendre non pas le code de déverrouillage de la tablette, mais d'apprendre le numéro de téléphone de papa et maman. Et c'est pas trop long comme numéro parce qu'un numéro, c'est combien? C'est 10 chiffres plus ou moins? Alors, c'est une application intelligente dans le sens qu'on apprend à l'enfant à retenir numéro par numéro. Donc, on commence par les quatre numéros que l'enfant connaîtra. Et puis, petit à petit, l'enfant apprendra un numéro en plus. Donc, il commencera par 4, 5, 6, 7, 8, jusqu'à ce qu'il connaisse tous les numéros de téléphone, tous les numéros, tous les chiffres du téléphone de papa ou de maman. Et donc, en plus, ça travaille bien sa mémoire, hein, donc c'est une bonne chose. Hein. Mais c'est ça, et c'est une façon très naturelle pour les enfants. En fait, c'est une routine physique qui permet vraiment d'activer la mémorisation musculaire. Et c'est une façon très spontanée qui permet aux enfants de retenir un numéro très utile. Alors concrètement, quand on part en vacances, donc on télécharge l'application sur le téléphone de l'enfant et sur celui des parents aussi, ou bien juste un seul téléphone? Alors on fait ça sur la tablette ou sur le téléphone qui est utilisé par l'enfant pour jouer des jeux, pour s'amuser, etc. Et ça peut être le téléphone de papa, ça peut être le téléphone de maman ou celui que l'enfant utilise régulièrement. Et donc on décide un petit peu comme ça, en fonction de l'enfant, en fonction de la situation personnelle. Et je crois que vous avez un enfant derrière vous qui est en ce moment au téléphone, en train de parler à ses potes enfants, en disant il y a une super application qui vient de sortir pour qu'on se perde plus. Et il est en train de lui raconter tout ça en langage bébé, visiblement. À partir de quel âge l'appli est valable? Alors, c'est surtout pour les enfants, disons, entre 8 et 12 ans. C'est le moment où les enfants n'ont plus trop envie de porter le petit bracelet avec le numéro de téléphone de papa ou maman, n'ont plus trop envie qu'on leur marque le numéro de téléphone de papa ou maman sur le bras. Et où, justement, ils s'engagent beaucoup sur leur smartphone, sur leur tablette, etc. Et ça permet vraiment aux enfants d'avoir cet outil, le numéro de téléphone de papa et maman. Et ça permet aussi aux parents d'avoir un moment de dialogue avec leur enfant pour leur expliquer ce qu'on fait quand on va pas bien, ce qu'on fait quand on a peur, et pour justement prévenir ce genre de situation. De quoi passer des vacances en toute tranquillité. Pour télécharger l'application, c'est Remember. C'est pas Remember, c'est Remember avec un U. En anglais pour le petit jeu de mots avec Number. Un grand merci d'avoir été avec nous pour en parler et passer une très bonne soirée. Nous, on va poursuivre en musique. Tiens, avec le Pop Story d'aujourd'hui, on retrouve Marc Tosca. 5 à 7 avec Lucas Correa. Pop Story. Pop Story. Aujourd'hui, Pop Story rend hommage à Toto Cotugno, le plus capé des compositeurs, dont les chansons adaptées dans toutes les langues ont squatté les premières places des hit-parades. Mélodiste incontournable, sa signature est une garantie de succès, comme en 1990, lorsque plébiscité par toute une nation, il représente l'Italie au Grand Prix Eurovision de la chanson, qu'il remporte avec Insieme. En France, c'est quasi tout le gratin des stars estampillées 70-80 qui, un jour ou l'autre, a adapté une chanson de Toto Cotugno. Tu sais. Parmi les plus fidèles, Joe Dassin enregistre en 1975 L'été indien, qui deviendra sans doute la plus célèbre adaptation du compositeur italien. Pourtant, on raconte que cette chanson était destinée à Clo-Clo. On ira où tu voudras quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Joe Dassin, Claude François, Dalida, Hervé Villard, Johnny Hallyday ou Michel Sardou ont tous dans leur répertoire au moins une chanson de Toto Cotugno dont une bonne partie pointe au sommet des hit-parades. C'est le cas de l'incontournable Voici les clés que Gérard Lenormand adapte en 1976 et qui n'était au début qu'une phase B de 45 tours. Voici les clés, ne les perds pas sur le pont des soupirs. Elles sont en or, on ne sait jamais, ça peut servir. Ne t'en fais pas, j'ai ce qu'il faut, on n'est jamais perdant. Quand on aime, j'ai mes bouquins et ton petit chien, eux sont contents. Pop Story. Pop Story. Marc Tosca. Durant sa carrière, Toto Cotugno aura vendu près de 100 millions d'albums, un record pour un artiste transalpin. Ses mélodies ont traversé les modes et les âges, et il n'est pas rare de retrouver, de ci de là, une composition de cet artiste inclassable. Tout récemment, chez nous, c'est encore un de ses refrains qui grimpe au sommet du top, avec la toute jeune Louane et sa version de « En chantant ». Quand j'étais petit garçon, je repassais mes leçons en chantant. Et bien des années plus tard, je chassais mes idées noires en chantant.

En plus des articles soldés, recevez 20% de remise sur un article non soldé de votre choix parmi toute notre gamme en exposition. Alors, à bientôt au Roua Shopping Center à Aouen. Info easyshop.be. Il est 18h46 sur Vivacité, on s'approche tout doucement du Tip Top, hein. Je vais rester avec vous, hein, pour l'animer, on reste ensemble jusqu'à 20h, le Tip Top, la quotidienne, avec évidemment le meilleur de ce classement que vous retrouvez tous les samedis sur Vivacité. On voyage dans le temps aussi, le rétro Tip Top, je vous en parlerai tout à l'heure, mais je sais pas qu'est-ce que vous allez pouvoir entendre aujourd'hui, peut-être le numéro 38, et oui, je vois qu'il est programmé, il y aura Happiest Man on Earth, évidemment avec de l'anglais à ce tour-ci, ça va pas le faire, Broken Back. Hein, cette semaine, une place de moins, mais bon, rien d'inquiétant, on écoutera cette chanson en entier tout à l'heure, et tous les autres, et bien, je vais vous parler du rétro Tip Top, on partira dans les années 70, on écoutera notamment le titre de ce monsieur qui gagne toujours sa vie avec ce morceau, il n'en a fait qu'un, il danse du disco avec une canne. Vous voyez de qui je veux parler? Non, ben, c'est pas grave, on en parle tout à l'heure sur Viva. Mais d'abord, on reprend le cours du 5 à 7 avec une constatation qui est vraie chez toutes les personnes qui ont des arbres fruitiers à domicile. En cette saison, eh bien, les fruits commencent vraiment à tomber ou bien à pousser pour ceux qui ont un petit jardin avec des fraises, avec des framboises, avec des pommes. Et ces fruits, vous en passez à des amis, évidemment. Vous en consommez sûrement vous-même. Vous faites des confitures, mais c'est vraiment, ils arrivent en abondance. Et donc, il y a énormément de gaspillage qui se fait. Heureusement, une ASBL s'est dit qu'il y avait quand même moyen de faire quelque chose avec tous ces fruits. Pour nous en parler, Sébastien Dupas est avec nous. Bonjour Sébastien. Bonjour Lucas. Alors vous êtes un des fondateurs de l'ASBL Fruit Collect. Dites-moi tout, qu'est-ce que vous faites avec ces fruits? Exactement. Donc en fait c'est très simple. Donc avec 5 autres amis, on a créé donc cette petite ASBL récemment. Et en fait c'est un de nos amis qui avait lui-même des arbres fruitiers chez lui, c'est Maxime, et qui s'est dit justement un beau jour dans son jardin que c'était un peu bête, qu'il y avait tellement de fruits qui restaient là, qui pourrissaient, parce qu'au final il y a beaucoup de gens qui ne ramassent pas tous leurs fruits. Beaucoup, oui. Et donc voilà, que c'était un peu bête et qu'il s'est dit qu'il y avait certainement moyen de faire quelque chose avec tout ça. Donc il a commencé à en parler un peu autour de lui, puis des amis à ses parents ont dit « Ah, mais venez aussi chercher nos fruits chez nous, venez les récolter ». Petit à petit, comme ça, on a commencé à grandir. Et on a créé un site alors où des gens peuvent vraiment s'inscrire comme fruit donneur ou fruit récolteur. Donc là, c'est pour les récolter. Une fois que vous les avez récoltés chez les particuliers, ces fruits, vous en faites quoi après? Vous les mangez? On les redistribue justement gratuitement à toutes nos associations partenaires. Donc par exemple, une plus fidèle, c'est Fête Asile. Ou par exemple, l'année passée, on avait été ramasser 400 kilos de pommes qu'on a été directement redistribuées au parc Maximilien à l'époque où il y avait encore tous les réfugiés. Ouais. Afin d'en faire bénéficier plein de gens qui sont un peu plus dans le besoin de bons fruits bien de chez nous. Une très belle initiative. Cependant, à vos débuts, j'ai lu ça dans la presse, et bien vous avez été confronté à un petit couac, un petit flop, comme on dit. Qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup de gens ne croyaient pas à notre projet parce qu'ils disent « Oui, nous, on a toujours l'habitude de voir nos bons fruits dans les supermarchés qui sont bien ronds, bien mûrs, comme on les aime. » Mais au final, on voit que même s'ils ne sont pas très ronds, ils sont pas très bonne forme, ils sont tout aussi bons et tout aussi sains pour la santé. Donc on s'est quand même lancé dans l'aventure et de plus en plus, on reçoit de plus en plus de gens qui disent « Venez chez nous récolter des fruits qu'on a chez nous qu'on ne récolte pas » et qui sont d'autant plus heureux qu'ils en font profiter des gens qui sont dans le besoin. Ben c'est compliqué quand même parce que bon, on parle de fraises, de framboises, de cerises, de noix. En Belgique, on en a plein des comme ça. Ça mûrit pas au même moment en plus tous ces fruits pour faire exactement. une offre. Exactement. Donc il faut bien voir en fonction du fruit. Ça dépend de la saison aussi. Maintenant, on n'a pas eu tout de suite tout le temps eu autant de chance avec le beau temps. C'est qu'en fonction de la météo, ça peut varier. Mais du coup, on reste très flexible. C'est surtout pendant tout l'été. Dès qu'il y a des gens qui nous contactent, voilà, les fruits sont prêts. On arrive, on vient tout récolter et on redistribue directement aussi à toutes nos associations partenaires. Et on vous contacte via Internet? Oui, on a un site web qui est très simple, c'est foodcollect.be où tous les gens pourront trouver les informations qu'ils veulent en tout ce qui se concerne l'ASBL. Ils voient aussi les saisons, quand, qui contacter, notre adresse mail. Donc nous sommes ouverts à tout. Ben, merci beaucoup pour toutes ces infos et franchement c'est utile hein, parce que c'est vrai qu'on voit énormément de jardins, surtout quand on passe à la campagne, qui déborde comme ça de ses fruits. C'est une très belle initiative que vous avez fait, ça s'appelle Fruits Collect. Un grand merci Sébastien Dupas d'avoir été avec nous sur Vivacité. Tout de suite et sans transition, eh bien on va parler des enfants de cœur. Les enfants de cœur ont voyagé ces derniers temps, ils se refusent rien, ils sont allés du côté du Canada, de Montréal pour un festival, et ça ne peut faire qu'évidemment grossir encore plus leur humour. Écoutez-les. Les enfants de cœur. Les enfants de cœur. Moi, je vais vous parler un peu de Tyra Banks, qui est une de mes idoles dans la vie. Je ne sais pas si vous la connaissez. C'est une top modèle américaine. C'est une femme d'affaires. Elle a écrit un livre. Elle a créé la franchise America's Next Top Model. Elle est diplômée de Harvard. Elle a créé sa propre ligne de cosmétiques. Et à tous les jours sur Internet, il y a des gens qui vont y écrire pour y dire « Arc, quand t'es debout, tes cuisses se touchent, tu m'écœures. » On appelle ça du body shaming. Ça veut dire attaquer des gens exclusivement sur leur apparence physique. Body pour corps, shaming pour honte. Donc, on te fait avoir honte de ton corps. Ça n'a pas rapport du tout avec le talent, avec la carrière. C'est vraiment uniquement basé sur le physique. Et moi, le body shaming, c'est vraiment quelque chose que je trouve fascinant. Mais si une vedette est obèse, pas mal sûr qu'elle est au courant qu'elle est obèse. Elle n'a pas besoin de toi pour y rappeler. Elle est millionnaire, elle a des miroirs chez elle. Et à chaque fois que je vois passer des commentaires comme ça, j'ai le goût d'aller voir les gens qui écrivent ces méchancetés, de m'asseoir avec eux puis de faire « Allô, c'est quoi votre plan à long terme? Hein? C'est quoi l'objectif de tout ceci? » Pensez-vous vraiment que Adèle, dans son jet privé, elle va lire ton commentaire puis elle va faire « Il y a un Gaston qui vient de m'écrire avec 8 fautes d'orthographe que j'ai la bédaine molle. » Mais non, j'annule ma tournée de concert, je m'en vais au gym, je veux le rendre fier, ce monsieur que je ne connais pas. Non, c'est ça. Adèle, si elle lit ton commentaire, elle va se dire « Hey, je m'excuse, Gaston, mais les commentaires comme ça, je les écoute pas. » Elle va faire une toune avec ça, puis elle va gagner un autre Grammy. C'est vrai, puis moi, ça m'impressionne, les gens qui font ça. Je veux dire, tu t'es levé un matin, t'es allé écrire à Rebel Wilson, t'as tellement de cellulite, tes cuisses ont l'air d'un livre écrit en braille. Mais après ça, qu'est-ce que t'as d'autre à faire dans ta journée? Finir ta thèse de doctorat? Diversifier ton portefeuille à l'étranger? Faire du bénévolat auprès des orphelins? Je pense pas, hein? Je pense pas. Moi, je pense que sur ta liste, on retrouve me faire chauffer un plat au micro-ondes pour une personne, aller porter mes bouteilles vides au dépanneur, flatter mes 8 chats. Moi, je me suis déjà fait traiter de grosse sur Internet par des gens que je ne connaissais pas du tout. Il y a une fille en particulier qui ressentait le besoin de me dire à tous les jours que j'ai du gras de bras. Okay. Elle avait besoin de faire ça pour commencer sa journée. Et sincèrement, je peux pas la blâmer. Check ça. Touche-y. Check ça, regarde ça comment c'est mou. C'est mou, vraiment. Et quand je recevais, moi, ces commentaires, ça me choquait beaucoup parce que je me disais, si seulement elle savait. Si seulement j'ai à peu près 47 000 autres défauts sur lesquels elle pourrait m'attaquer. Je laisse jamais ma place dans l'autobus aux personnes âgées. Je me mets ces 4 flashers au lieu de me stationner. J'achète du linge, je le porte une fois, puis je vais le reporter au magasin tout le temps. Je télécharge des trucs illégalement. Pour vrai, il y a beaucoup de raisons de me détester dans la vie, mais mon gras de bras, vraiment... Ça m'impressionne. Tu sais, me dire que j'ai du gras de bras, c'est comme me dire que dans vie, faut que je respire. Je suis au courant et j'y pense jamais. voilà. Et puis, c'est vrai. Puis, en même temps, je veux dire, si j'étais en face de toi, tu me dirais pas que mon gras de bras t'a fait vomir ton café. Tu me dirais pas ça. Fait que si tu le ferais pas dans vie, fais-le pas sur Internet. On appelle ça la base. Voilà. C'est tout. Merci. Bravo. Gabriel Caron dans Les Enfants de cœur. Les enfants de cœur que vous retrouvez les dimanches matins sur Vivacité à partir de 9h. Alors tout à l'heure, je vous ai proposé de gagner vos entrées pour le beau festival qui se déroulera à Bertry du 8 au 10 juillet prochain. On s'est intéressé aux places du 10 juillet. C'est un dimanche et Miguel est avec nous. Bonjour Miguel.

Le Tour de Gloire est donc arrivé pour Greg Van Avermaet qui s'est imposé en solitaire après 216 km de course entre Limoges et le Lioran. Le coureur de la formation BMC a déjà marqué de son empreinte cette grande boucle en s'emparant du maillot jaune. Malchanceux lors du Tour des Flandres, Van Avermaet a pris une belle revanche dans ce Tour de France. Mon plus bel moment de mon carrière, un maillot jaune en Tour de France, c'est pas mal. Et c'est quelque chose de très spécial, je pense. Et aussi avec une victoire d'étape, je pense que mon tour est déjà parfait. Maintenant, je suis tranquille, je suis